nous avions présenté un dossier sur le CERN avant notre rencontre de l'année dernière, Nico a mijoté un petit quelque chose en préparation de notre visite du Palais de la Découverte ce samedi. Un petit quelque chose, ça aurait pu être un dossier, mais bon, c'est Nico qui s'en est chargé. Du coup, les trois quarts du gros des troupes de podcastions se trouvent pour la première fois physiquement réunis dans un lieu tout à fait improbable à Paris. Et ce sont les trois quarts de la moitié des intervenants ce soir. Nico oblige, puisque nous avons également trois invités exceptionnels, de vrais communicateurs scientifiques, pour nous parler du Palais de la Découverte. Nous sommes le mercredi 6 juin 2012 et c'est l'épisode 89 de Podcast Science. Bienvenue. Alors du côté de Podcast Science ce soir, autour de la table, Nico évidemment, qui nous a mijoté tout ça, Franck qui est là aussi, salut les amis. Salut. On a David également, alias Xilrian, en ingénieur du son improvisé, qui est là pour nous aider. Et puis Nico, tu vas nous présenter tes invités. C'est ça, donc on a trois invités. On a donc Marie, qui est médiatrice scientifique au Palais de la Découverte, qui dirige en fait donc l'unité scientifique de biologie. Voilà. Donc, ou de manière plus compréhensible, une sorte de département de bio, il fut un temps. Et donc, tu as été journaliste dans différentes revues scientifiques, enfin, tu as fait beaucoup de médiation scientifique depuis, et j'ai dit, depuis 35 ans au Palais, donc en biologie. Exact. Et voilà, on a après deux représentants des mathématiques. Donc d'abord, en face de moi, Robin Jamet, qui est au Palais de la Découverte depuis donc, 8 ans, qui aussi écrit la rubrique de maths dans Sciences et Vie Junior, et pour laquelle il aura la semaine prochaine le prix d'Alembert, donc un prix de vulgarisation mathématique. Et enfin, last but not least, on a Pierre Audin. Bonsoir. Donc, qui travaille lui au Palais depuis 19 ans en mathématiques. Il fut un temps, il dirigeait aussi une unité scientifique. Cofondateur de l'association MathEngine, et pour laquelle, qui a reçu elle aussi un prix d'Alembert en 92, donc il y a un moment. Et puis accessoirement, il a participé à la création d'une revue de vulgarisation qui s'appelle Quadrature. Donc je vais imaginer une revue de mathématiques aussi. Voilà pour nous inviter. Bienvenue. Merci à tous les trois d'être là. Merci beaucoup. Et donc ce soir, on va essayer de présenter le Palais de la Découverte, donc sa création, et puis quelques expositions, expériences un peu marquantes de ce palais avec nos chers intervenants qui peuvent intervenir quand ils veulent. Ok, bah écoute, on est parti. On t'écoute. Donc, alors, si je ne me trompe pas, le palais, la création remonte à 1937, mais en fait, c'est dès 1933 que Jean Perrin a commencé à réfléchir à sa création. Alors, pour 32. Dès 32, donc, Pierre commence une correction. Donc, il a commencé à réfléchir à sa création. Alors, pour parler un peu de Jean Perrin, c'est un scientifique qui est déjà assez connu à l'époque. Il a accessoirement commencé sa carrière en démontrant la nature corpusculaire de l'électricité pendant sa thèse, ce qui lui a valu un prix, le prix Joule. Ensuite, il a eu le prix Nobel de physique pour des travaux sur l'atome. Donc, c'est quelqu'un qui était déjà assez respecté en science à l'époque. Et en 33, donc finalement un an après avoir commencé à réfléchir au palais, il crée le CNRS. Il crée le CNRS. A priori, le CNRS est créé sous son impulsion, plutôt. C'est ça, exactement. Mmh. et c'est à cette époque qu'il commence à réfléchir à l'idée du Palais de la Découverte. Donc déjà, c'est assez intéressant, parce que c'est quelqu'un qui donc, est plutôt un scientifique, et qui, plutôt un scientifique, et qui va créer un lieu... Alors, il ne faut surtout pas dire un musée des sciences, mais où on comprend de loin que c'est quelque chose pour diffuser, en tout cas, les sciences au grand public. Alors, Perrin, c'était pas seulement un scientifique. Je peux t'interrompre, ouais. Parce que on pourrait dire quand même que c'était a priori dans le cadre d'une exposition universelle. Ça, j'allais y venir. Et hein, que a priori, c'était temporaire. Ouais. Donc il y a deux créations du Palais de la Découverte. Tout à fait. J'allais y venir. Bon, on peut même y passer tout de suite. Donc le palais, au début, est conçu pour l'exposition spécialisée de 1937, donc qui était pour les arts et techniques de la vie moderne. Et donc, c'était censé être temporaire. A priori, Perrin, il n'a pas vraiment cru que c'était temporaire. Il a tout fait pour que ça y reste. Il l'a créé dans cette optique-là, si je ne dis pas de bêtises. C'est ce que j'ai lu un peu partout. La tour Eiffel, c'était quelle exposition universelle ? C'était 1889. D'accord. Et ils faisaient un monument comme ça à chaque fois pour les... Alors, ben, ça c'est intéressant. Les expositions comme ça, il y avait en général au moins un musée. Et pour cette exposition-là de 37, il y a eu 6 musées créés. Ah, oui. Donc il y a eu... Ouais. Cela dit, sauf erreur, le bâtiment, il ne date pas de 37. Hein. Le bâtiment du Grand Palais ? Oui. Il date de 1900. Ouais. Et en fait, alors ça c'est assez amusant pour l'anecdote, c'est que le bâtiment a été construit parce qu'ils avaient envie de faire une grande avenue derrière le pont, qui, comment s'appelle ce pont-là ? Le pont Alexandre III. Et donc, comme il y avait un gros bâtiment à cet endroit-là, ils l'ont coupé en deux et ils ont fait le Grand Palais et le Petit Palais, voilà, le Palais de l'Industrie. Il ne faut pas que je fasse d'erreur. c'est fondamental de ne pas faire d'erreur. Tout à fait. Et donc, c'est pour cette exposition de 1937 que dès 33, donc tout le monde commence à essayer de poser les pierres d'un palais pour parler des sciences, parce que toutes ces personnes se sont dit que une exposition des arts et techniques de la vie moderne, si on parlait pas de la recherche scientifique et de ses créations, ce serait un peu étrange. Alors, du coup, je suis un peu perdu. Et donc voilà. La grande idée du palais et qui ressortait à cette époque, c'était une volonté de ne pas faire un musée où on exposerait des objets historiques des sciences, mais de faire un musée de la science vivante qui serait constamment renouvelé, qui serait durable, qui se mettrait à jour, et où on y verrait donc la fameuse expression « la science en train de se faire », qui donc est de Jean Perrin, c'est ça ? Oui. Ouais. Montrer la science en train de se faire. Montrer la science en train de se faire et pas montrer... Et en particulier, ne pas exposer des objets, mais plutôt exposer des phénomènes comme on peut encore voir aujourd'hui au Palais de la Découverte. Donc au tout début, le premier nom qui a apparu, c'est le Palais des Éléments. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Puis après, on a pensé à l'appeler Palais des Sciences, Palais de la Recherche, mais il n'en fut rien, et le nom a été décidé par Perrin, donc d'appeler Palais de la Découverte, comme un grand programme en disant que le but n'était pas de faire un musée des sciences, mais de faire un endroit où on découvrait à la fois, où le public découvrait la recherche scientifique, mais aussi où on présentait les découvertes et non les sciences, etc. Alors, on va y revenir, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est la science ancrée dans son temps, et parfois, c'est la science en train de se faire et la science en train de se tromper. Ça peut arriver aussi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'était vivant. Et aujourd'hui encore, hein, c'est la science encore en train de se faire et de se tromper. On ne sait pas encore, en tout cas. On ne sait pas encore si on se trompe ou pas, mais c'est la science en train de se faire, ça peut se concevoir de différentes façons. Ouais, voilà. Je vais y revenir. C'est au sens de la recherche ou au sens de l'observation ? Enfin, se faire. Les deux. On va y venir de toute façon sur les expositions, parce que c'est ça qui est intéressant. En fait, toi, tu n'y es jamais allé au Palais de la Découverte. Si, j'y suis allé avec l'école quand j'étais petit. Un vague souvenir. Alors. Cette idée de présenter la science en train de se faire et entre autres d'insister pas mal sur la médiation humaine, d'avoir des vrais humains, voire des scientifiques en fait, qui présentent les sciences, c'était une grande nouveauté. À l'époque, ça se faisait pas du tout, voire très peu, même dans le monde, de présenter, d'avoir un musée très interactif comme ça. Et donc ça fait partie des inventeurs d'une muséologie interactive. Alors j'ai vu ce terme, je sais pas à quel point il est... Muséologie interactive. Ouais, voilà. Alors ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque même, ils se vantaient un peu d'un aspect presse-bouton où c'était interactif, qu'aujourd'hui, dans le palais, on a envie d'avoir un peu moins et on insiste sur la médiation humaine. Mais à l'époque, déjà, même l'aspect presse-bouton était nouveau, c'est-à-dire qu'on avait un phénomène qui apparaissait quand on appuyait sur un bouton. Alors, ça, j'ai déjà dit, le palais a montré des phénomènes et était avec son temps. Alors, un exemple de ça qui est extrêmement intéressant, c'est que, par exemple, en 85, on a découvert qu'on pouvait obtenir des supraconducteurs à des températures assez élevées. Donc, assez élevé, c'est la température de l'azote liquide. Hein. Ça reste bas, mais c'est plus élevé que les supraconducteurs avant. Et le palais l'a intégré en 86. Donc, c'était une façon très rapide d'intégrer la science parce qu'ils se sont dit, c'est faisable, on a de l'azote liquide sous la main. Enfin, en tout cas, c'est facile à acheter, c'est pas cher. Et donc, on peut présenter les supraconducteurs. Enfin, c'est moins cher que le reste. Tu peux me couper. Hein. Je sais pas. Alors, on est en 36. Alors là, c'est peut-être justement la partie où ce sera plus intéressant que tu me coupes, parce que donc en 36, Perrin devient ministre du Front Populaire. Je crois que c'est pas ministre exactement, ça doit être secrétaire d'État. Et chargé de la recherche scientifique, et ce qui facilita sans doute la finalisation du projet et surtout l'aboutissement du lieu tel qu'il l'avait imaginé. Alors peut-être deux mots sur l'importance du Front Populaire sur la création du palais, ou pas spécialement, parce que j'ai trouvé en fait des choses assez divergentes là-dessus, où il y a des gens qui disent que oui, c'est grâce au Front Populaire que le palais s'est créé, et d'autres où c'est plus une coïncidence que... Disons qu'un L'ouverture a lieu en mai 1937, je crois, comme ça, et ça reste ouvert pendant 6 mois pour l'exposition universelle. On peut dire que ça se produit pendant le Front Populaire, mais ça a été quand même une maturation qui date depuis 1932-1933, qui était avant le Front Populaire. Donc c'est ce que j'avais lu aussi. Et l'idée de l'exposition universelle de 1937, c'est quand même montrer la puissance coloniale française dans le monde, etc. Enfin, des choses comme ça, qui ne sont pas vraiment des choses parfaitement Front Populaire. Quoi. C'est plutôt la grandeur de la France. Alors ça, c'était une grâce à ses colonies, etc. Quoi. C'était même une des particularités, je crois, qu'au niveau scientifique, il y avait des aspects très franco-français dans les choix de l'époque. De toute façon, on va parler justement du projet initial donc, du palais. Donc, le but était en effet donc, de faire cette exposition universelle. C'était un peu le rayonnement de la France et des colonies. Alors, c'est une exposition... C'était une exposition universelle, ça veut dire qu'il y avait aussi un pavillon de l'Union soviétique, un pavillon de l'Allemagne nazie, un pavillon de... etc. C'est ça. Et c'est une exposition qui a quand même laissé 6 musées. Donc ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, j'ai la liste. C'est une liste assez impressionnante parce qu'on se dit, si on n'avait pas fait l'exposition, il y aurait beaucoup de choses à Paris. À savoir le musée de l'Homme, le musée d'art moderne, le musée des monuments français, le musée des arts et de la tradition populaire, le musée de la marine et le palais de la découverte, qui était provisoire et qui était aussi provisoirement dans le Grand Palais, je crois, installé. C'est ça. Oui. Ça devait pas durer. Ça ne devait pas durer et ça s'est remis en cause régulièrement depuis la création, il n'y a aucun problème. Alors, ce qui est encore très intéressant sur cette création, c'est que tous les espaces du palais sont conçus par des scientifiques pour le moins reconnus. Il y a Émile Borel qui se charge de la partie mathématique, donc qui est connu pour la théorie des fonctions et des probabilités. Peut-être que vous pouvez m'en dire même un peu plus. Mais Borel, bon, donc non, c'est... Borel le Bel. Oui, ça fait partie des grands du début du XXe siècle. Essentiellement, de toute façon, à cette période-là, il y avait une grande école de maths en France et une grande école de maths en Allemagne. Et c'est pas le dernier des Français. Et donc, c'est ça. Bon, voilà, c'est... Je sais pas ce que t'en penses, mais... Bah, disons qu'à l'époque, c'est quand même un peu le pape des probabilités. Ouais, voilà. Et pour l'anecdote, c'est le nom de mathématicien important qui apparaît pas dans la salle Pi. Il y a une frise où il y a les noms des mathématiciens, mais comme c'est lui qui l'a créé... C'est ça. C'est il apparaît difficile pas de dire, je me mets dans la liste des voilà. mathématiciens importants. Alors après, dans la liste... Il y a quand même, pour être franc, il y a Émile Borel qui est le cerveau, disons... Il y a quand même quelqu'un d'autre qui intervient. Lui, il ne met pas les mains dans le cambouis, sauf pour le tableau. Autrement, il n'a rien fait. Il a juste fait quelque chose de théorique à propos de cet espace. D'accord. Et celui qui fait les choses, qui pilote les choses sur le terrain, c'est André Sainte-Laguë. D'accord. Quand vous dites qu'il pilote les choses sur le terrain, il fabrique le lieu. C'est lui qui est responsable du lieu, suivant les instructions, enfin non, suivant les grandes idées d'Émile Borel, mais c'est quand même lui qui est là sur place, qui vient sur place pour... Il est prof au conservatoire. Là, c'est pas des maths, c'est de la... Il est prof au CNAM, et c'est lui qui met en place les choses, quoi. C'est l'architecture, quoi. Non. Il y a des grandes idées. Par exemple, il y a une grande idée d'Émile Borel, qui est de faire une salle qui va s'appeler... l'antre du mathématicien. Après, elle s'appellera la salle ronde, mais ce qu'on appelle maintenant la salle Pi, c'est lui qui décide qu'il faut faire ça. Maintenant, ce qu'on met dedans, exactement, ce qu'on va raconter à l'intérieur, etc., c'est quand même Sainte-Laguë qui s'en occupe. Quoi. Alors, okay. Juste pour préciser quelque chose que tu as dit très brièvement, quand il disait le tableau qui a été fait, en fait, c'est que dans la salle Pi, au fond, il y a un faux tableau, parce que c'est pas de la vraie écrit dessus, sinon il n'y aurait plus rien inscrit. Et c'est Émile Borel qui a écrit des formules qui veulent à peu près dire quelque chose par morceau, je crois, c'est ça? Oui, ça veut dire des choses. Même dans la continuité? Oui. C'est une espèce de formulaire, enfin de résumé, à propos d'une expérience aléatoire répétée un certain nombre de fois. L'idée, c'est... Donc, il est venu avec son petit pot de peinture blanche et son petit pinceau, et il a peint la peinture blanche sur un tableau, sur une peinture à tableau, quoi. Si bien que, effectivement, maintenant, il n'y a plus beaucoup de gens qui ont de la craie dans la poche, mais pendant très très longtemps, les gamins qui arrivaient au palais, ils avaient en général de la craie dans la poche, et donc ils écrivaient des âneries sur le tableau au milieu de la peinture d'Émile Borel. Donc, on pouvait effacer les âneries et la peinture restait. Et ce dont il parle, c'est typiquement des probabilités, c'est-à-dire c'est quelque chose qui concerne par exemple le fait de lancer une pièce, de regarder si elle tombe sur pi ou sur face. Si je la lance une fois, il est tout à fait clair que je ne sais pas dire si ça va être pi ou si ça va être face. Si je la lance 10 fois, je commence à me douter que ça devrait être à peu près autant de fois pi et face, mais bon... Si je l'annonce 5 millions de fois, ça personne n'a jamais fait. Mais si je l'annonce 5 millions de fois, je m'attends à ce que ça soit 500 000 piles, 500 000 faces. Mais pas exactement 500 000 piles et pas exactement 500 000 faces. Donc ce qui regarde le formulaire qui est, dont il parle, enfin dont il est question sur ce tableau qui est là, ad vitam aeternam, c'est, bah, depuis 75 ans en tout cas, c'est comment on peut s'écarter un petit peu de ce 500 000, que ce soit raisonnable de s'écarter de ce 500 000 et que ce soit toujours une pièce pas truquée. C'est-à-dire que si je trouve 300 000 piles, 700 000 faces, c'est clair que la pièce est truquée. Si je trouve 495 000 piles et le reste en face, je pense qu'on peut considérer quand même que c'est pas truqué, quoi. Donc jusqu'où on peut mettre la barre, jusqu'où on peut s'éloigner de la moyenne, disons. Ce qui est assez surprenant pour le commun des mortels, c'est que ce truc-là fasse intervenir le nombre de pi, quoi. Donc comme c'est dans la salle pi, voilà, c'est... Accessoirement. Et avec, donc, bah, de toute façon, ceux qui viendront donc samedi verront, et avec à l'entrée de la salle pi, une des formules mathématiques les plus efficaces pour mettre les constantes parmi les plus importantes rassemblées. Il y a un vaste débat là-dessus. Voilà. Alors, après, donc, tous les départements étaient dirigés par, hein, par des gens assez connus et reconnus. Il y a un vaste débat qui consiste à dire, il y a deux écritures de cette formule, peu importe ce que ça veut dire, hein. E puissance IP égale moins 1, ou E puissance IP plus 1 égale 0. Oui. Suivant la façon dont on l'écrit, on fait intervenir 0, 1 et puis d'autres constantes mathématiques qui sont E, pi et i, ou bien seulement moins 1 qui est quand même quelque chose d'important. Donc, c'est moins bien parce qu'il n'y a pas 0 et 1, mais c'est bien parce qu'il y a moins 1. Je ne savais pas qu'il y avait eu un débat sur la chaîne. Il y a un débat chez les mathématiciens depuis longtemps, indépendamment de la salpie. Hein. quelle est la formule la plus riche, disons? Est-ce que c'est celle qui fait intervenir 0 et 1 ou est-ce que c'est celle qui fait intervenir moins 1? Donc tous les autres départements, il y a des gens très connus, reconnus. Alors je ne vais peut-être pas les citer tous. Il y a Jean Perrin, bien sûr, qui s'occupe du département de physique. En chimie, on a Georges Urbain, alors qui a découvert deux éléments de la classification, le lutécium et le sélium, quand même. En biologie, c'est Henri Laugier. Je ne sais pas si tu es capable, Marie, de nous dire des choses. Henri Laugier, non. Il y avait Jean Rostand. Et Jean Rostand. Surtout, et Jean Painlevé, sont des gens qui étaient biologistes reconnus à l'époque. Jean Rostand qui a travaillé beaucoup sur les batraciens, sur la parthénogénèse, c'est-à-dire la reproduction de femelles qui donnent des femelles qui donnent des femelles sans avoir besoin de... L'avenir de l'homme. Voilà, l'avenir de l'homme. Et Jean Painlevé qui travaillait sur l'évolution, mais qui est surtout connu pour les films scientifiques qu'il a fait à cette époque-là. Alors ça, c'était amusant, c'est qu'à l'ouverture, il y avait un endroit avec des films qui était l'endroit cinéma, en fait, au palais. Oui. Et à cette époque, la biologie, c'était quoi? C'était l'évolution. Ça faisait longtemps, les idées en biologie qui dominaient à l'époque, c'était l'évolution, on connaissait ça depuis longtemps. Oui, quand même. Ouais, il y avait rien de spécial. C'était l'eugénisme à l'époque. Mais, oui, il y avait On a dit de Jean Rostand qu'il était un peu eugéniste. Un peu raciste. Voilà, eugéniste. Okay. Ouais. Et il y avait aussi le racisme qui apparaissait. Mais ça, c'était, de toute façon, c'était le début. On était en 37, hein. Ouais. Accessoirement. Et il y avait le petit-fils de Louis Pasteur aussi qui était en microbiologie, là. C'est Louis Pasteur Valéry Rado, j'ai vu. Enfin bon, il y avait un certain nombre de personnes assez connues scientifiquement. C'est peut-être le dernier, et peut-être pas le plus reconnu, qui travaillait surtout à représenter les travaux de son grand-père. On peut dire que la qualité a baissé depuis, c'est ça que tu veux dire? Ah non, absolument pas. Dis ça. Non, justement, au contraire, j'allais dire que ça perdurait. C'est-à-dire que, bon, à l'époque, c'était un peu le palmarès, le casting le plus prestigieux et tout ça. Mais ce qui a été gardé, c'est que c'est des gens avec des formations scientifiques. Ben là, vous êtes tous là pour le confirmer. Et c'est quelque chose qui est assez particulier, si je ne me trompe pas, au niveau des musées des sciences ou des allées des sciences dans le monde, d'avoir... des gens qui ont des formations scientifiques au palais. Alors ça, c'est dans les chiffres que j'ai pas trouvé. Donc il y a les permanents que vous représentez entre autres ici qui ont des formations scientifiques. Et il y a un certain nombre de doctorants, peut-être un peu moins maintenant, qui font leur monitorat. Alors, j'ai oublié de le dire au début, il faut le préciser pour l'objectivité, c'est que j'ai fait 3 ans au Palais de la Découverte en monitorat de mathématiques, donc au niveau objectivité. D'où les deux invités de maths. Voilà, d'où les deux invités de maths. Et je ne sais pas quelle part ça représente les doctorants au Palais. Écoute, maintenant qu'on a fusionné avec la Cité des Sciences et qu'on n'est plus un EPSCP, qu'on n'a plus le statut d'une université, d'un grand établissement de l'université, je ne sais pas exactement combien on en a, mais à l'époque, quand on était indépendant, il y avait une trentaine de moniteurs dans le palais, entre les différents départements scientifiques. Et sur combien de médiateurs Et des médiateurs, l'un dans l'autre, il y a quelque chose comme 40 à 45 médiateurs. D'accord, donc il y avait quasiment autant. Voilà, maintenant, si on regarde ce que... Sauf le respect que je te dois. Si on regarde le nombre d'heures que vous êtes appelé à faire, c'est de l'ordre de 64 heures par an. C'est 60, même moins de ça, c'est 60 heures. Et 60 heures, c'est quelque chose qu'on fait en moins de 2 semaines. Pour dire qu'il y avait des gens avec des formations scientifiques. Et sur l'aspect doctorant, ce qui je trouve intéressant, c'est que c'est la recherche contemporaine. C'est-à-dire que moi, je présentais des choses que je faisais en thèse j'ai des amis médicaux. Donc c'est important pour chaque unité scientifique, parce que maintenant c'est des unités plus des départements. Pour chaque unité scientifique, c'est quand même assez important d'être en contact de façon assez naturelle avec la recherche actuelle grâce aux moniteurs. Avec les moniteurs. C'est un apport qui est vraiment important pour réactualiser nos présentations, les salles, etc. C'est vrai qu'on a d'autres moyens, disons, de. Excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai des choses importantes à dire. Donc. On a d'autres moyens de se tenir au courant de ce qui se fait dans la recherche et compagnie, quoi. Mais il faut reconnaître que le fait d'avoir des gens qui sont dans la recherche et qui sont en même temps dans notre unité, c'est quand même beaucoup plus simple, quoi, disons. Mais est-ce qu'ils s'ennuient pas un peu à montrer des choses les doctorants qui font de la recherche? Absolument pas. Alors là, après, ils nous invitent maintenant. C'est peut-être un cas particulier. On en discutait, j'allais en parler à la fin, mais... Il se trouve que, ça c'est amusant, mais le palais de la découverte, au niveau où tu dis ils s'embêtent et tout, c'est un peu un nid à des gens qui deviennent médiateurs scientifiques. C'est-à-dire que tous ceux qui ont quitté le palais, là, les moniteurs que je connais, ils continuent à en faire à droite à gauche d'un moyen ou d'un autre de la médiation. Donc, ça n'a pas du trop les embêter, a priori. Ouais, je voulais juste signaler, enfin on en parlera peut-être après, mais quand je disais le niveau a baissé, c'était pour rigoler, mais c'est vrai que actuellement dans le palais de la découverte, nulle part dans l'organigramme ou quoi, on a des gens du niveau de Jean Perrin ou du niveau d'Émile Borel ou du niveau etc. qui sont dans l'organigramme, dans les organisateurs. C'est là où je disais que c'était un casting de départ, mais il n'y a pas de prix Nobel. Écoute, il n'y a pas de prix Nobel, mais par exemple, au Conseil scientifique d'université, on s'est quand même fait l'année. Oui, certes. On peut dire que la participation de Émile Borel, Jean Perrin, etc., c'est au niveau du Conseil scientifique plutôt qu'au niveau de. D'être membre du personnel, etc. Quoi. Cédric Villani, c'est la médaille Fields, donc pour ne pas dire le prix Nobel de mathématiques, parce que c'est plus dur à avoir qu'un prix Nobel. Parce qu'on n'a le droit que jusqu'à 40 ans. Donc. C'est tous les 2 ans, ça. Tous les 4 ans, mais il y en a 4. À 40 ans, mais il y en a 4 tous les 4 ans. Il y a 4 personnes récompensées tous les 4 ans, donc en moyenne, ça fait 2 personnes par an. C'est pas obligé, mais c'est souvent comme ça. C'était pas comme ça au début, mais maintenant, c'est souvent comme ça. Mais disons que par rapport au prix Nobel, le prix Nobel c'est le championnat du monde et la médaille Fields c'est les Jeux Olympiques, quoi. C'est pas le même prestige. Quoi. Alors, parmi les expositions à l'ouverture, on va en reparler tout de suite, hein, mais il y avait au moins la machine électrostatique qui a marqué pas mal de monde, parce que c'était une machine immense à l'époque. Je vais en reparler tout de suite, hein, mais qui faisait 20 mètres de haut, où il y avait des gens à l'intérieur de sphères chargés à plusieurs milliers de volts, il y avait un éclair, etc. Il y avait le planétarium, alors le premier planétarium français, donc c'est quand même, et un des premiers au monde, parce que ça faisait une dizaine d'années que ça existait, en fait, les planétariums. Ce qui fait que, et l'homme de verre, donc, qui a priori a pas mal marqué. Oui. Qui venait d'Allemagne, en fait, qui avait été conçu dans un musée de Dresde, en Allemagne. Et qui est venu en France, au Grand Palais, pour l'ouverture du Palais de la Découverte. Et donc l'homme de verre, c'est un homme où la peau est en verre. Mais on voit tout l'intérieur. On voit tous les organes. Le squelette, etc. Il est resté ensuite au Palais de la Découverte, cet homme de verre. Et il a été remplacé, disons. Mais justement, ça veut dire quoi? Parce que j'ai vu qu'il avait été refait, mais ça n'a pas dû trop changer à l'intérieur, ou on a appris une autre chose. Non, on a toujours le foie, le même endroit, le cœur aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, il a été refait? Ah, c'est la limite. Ça s'use, un objet, ça devient un peu vieux, voilà. Et il est toujours en verre ou pas? Non, sa peau est en plastique, je ne sais pas quel plastique aujourd'hui, mais voilà. Mais il y a aussi eu une femme de verre. Oui, voilà. J'avais vu, c'était une exposition temporaire. Une exposition temporaire qui s'appelait L'homme transparent. Il va falloir faire la femme enceinte de verre. Oui. Ça va être marrant. C'est vrai. Et donc, bah, L'homme de verre, ça, on pourra y passer samedi aussi à vide, parce qu'il est encore là, c'est ce qu'on disait. Alors, du coup, cette exposition a plutôt bien marché, on peut dire. Parce que, alors j'ai que la deuxième date, tiens, c'est bizarre. Bon, ben, le 30 octobre, il y a 2 millions de visiteurs qui sont atteints. Mais j'avais d'autres chiffres, alors je sais plus où ils sont, c'est pas grave. Mais bon, très vite, en fait, il y a énormément de visiteurs, ce qui fait qu'on crée d'autres expositions pour enrichir le lieu. Et ben, on décide que le lieu sera maintenu. Donc, il est d'abord rattaché au CNRS. Alors, ça, c'est déjà très intéressant. Si, j'ai vu. Ou à la Caisse nationale des sciences. J'ai vu les deux et dans. J'avais qu'une réponse à chaque. Mais en tout cas, bon, le CNRS les deux... en tant que tel, il existe à partir de 1939. De quoi ? Le CNRS en tant que tel, il existe à partir de 1939. Mais là, on n'est plus en 37 au moment où on décide qu'il est maintenu. Quand on 38. Décide qu'il est maintenu, c'est en 38. D'accord, donc c'est la question. Il ferme fin 37 et il rouvre en 38. D'accord. Donc grâce à Jean Perrin et Jean Zay, qui était le ministre de l'Éducation nationale à cette époque-là. Et donc il est rattaché au début à la Caisse nationale des sciences, donc c'est l'ancêtre du CNRS du coup. Alors ça, déjà, c'est assez amusant de rattacher pas un musée, mais un lieu de diffusion scientifique à la Caisse nationale des sciences. Et plus tard, en 1940, à l'Université de Paris. Donc là aussi, c'est-à-dire que le Palais de la Découverte, jusqu'à il y a peu de temps, avait le même statut qu'une université. Ce qui explique que des gens qui avaient une agrégation, des enseignants-chercheurs, des doctorants pouvaient travailler sans problème. Il y en avait très peu, mais il y en a eu 4, je crois. Okay. Et aussi, ça c'est un truc très important qu'il faut que je précise, surtout quand on parlera de la fusion, c'est que du coup ça facilite aussi énormément les visites par des scolaires. Le fait que quand c'était, je sais pas si ça a changé quelque chose, ça l'a fait que ce soit une université ou pas. Mmh. D'accord, je pensais. En fait, non. Mmh. Donc voilà en gros sur la création du aussi, palais. Il y a aussi des visites scolaires à Euro Disney, tu sais. Oui, c'est vrai. Non mais je sais pas bêtement que visite scolaire d'établissement scolaire, c'était simple. Mais c'est pas de l'éducation nationale qu'on dépendait, c'était de la recherche. Oui. Pas... D'accord. Mais disons que les relations avec les universitaires, avec les centres de recherche, etc., étaient quand même beaucoup plus naturelles, dans la mesure où on avait le même statut qu'eux, etc. Alors voilà un peu sur la création. Je vais parler quand même au moins des trois choses qui ont a priori le plus marqué à l'époque. Dans les visites, déjà la machine électrostatique. Donc en 1937, ce qui était assez impressionnant, c'est que quand on rentrait dans le hall d'Antin, donc le grand hall du Palais de la Découverte, on tombait nez à nez avec une structure immense qui s'appelle un générateur Van de Graaff, qui avait un filet protecteur géant de 25 mètres pour protéger deux colonnes de 19 mètres de haut, au sommet desquelles il y avait des sphères de 3 mètres de diamètre chacune, chargées à 10 000 volts. Lorsque les boules étaient suffisamment chargées, il y avait un éclair géant qui se formait entre les deux, alors qui a priori faisait 5 millions de volts, ça traversait l'air. Et le clou de l'expérience, c'était qu'une fois que ça c'était fini, des gens sortaient des boules intactes, sans problème, pour illustrer la cage de Faraday. Donc, bon, c'est quand même un truc assez impressionnant, et qui n'est plus là aujourd'hui. Mais c'est plus intéressant, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, c'était donc des... j'imagine que c'était des médiateurs qui se mettaient dans les boules. Et maintenant, c'est des gens du public qui se mettent dans la cage de Faraday, et donc qui se font charger à 3... Alors c'est là où les chiffres... je ne suis pas physicien, alors j'ai un peu de mal, mais a priori, les gens sont chargés à 300 000 volts aujourd'hui, ouais, alors qu'à l'époque, c'était 10 000 volts. Petit joueur, quoi. et c'est quelqu'un du public qui se trouve enfermé dans la cage. Alors je ne sais pas si ce sera un auditeur samedi, parce qu'il faut que ce soit une fille avec les cheveux longs, sinon c'est pas drôle. Et puis surtout que la cage, je crois qu'elle n'est pas en état super en ce moment, mais c'est un autre problème. Voilà, bon, bah, j'imagine de toute façon avec. Sinon, donc, dans les autres trucs assez marquants, alors j'en ai déjà parlé, il y a le planétarium. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des premiers planétariums français qui était dans le hall. Il a été démonté à la clôture de l'exposition, puis il a été refabriqué en 1952, et maintenant, depuis 1979, il est dans un coin à l'étage du Palais de la Découverte. Alors. C'est pareil, c'était la première fois que les gens voyaient un planétarium, voyaient des étoiles, etc. C'est assez intéressant d'en parler. Et l'homme de verre, donc, on en a déjà parlé. Alors, dans les choses marquantes, mais ils ont oublié de le préciser, c'est là où je ne suis pas du tout objectif, il y avait la salle pie, quand même. On va pouvoir parler de la salle pie un peu. Oui. Donc, je vais lancer la chose. Donc, c'est une salle qui parle de pie. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle est cylindrique en bas et demi-sphérique au niveau du toit. avec une fissure maintenant, mais démosphérique en tout cas. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et qui a le décimal de pi. Donc ça, j'en avais parlé dans l'exposé, dans le dossier sur pi. C'est les décimales de Chang qui étaient calculées à l'époque. Il y en a, je me trompe, 707. Alors, ce qui était marrant, c'est que c'était les décimales qu'on avait calculées à l'époque, et qui, c'est là où c'est la science en train de se tromper, qui n'était pas vérifiée à l'époque. Et il se trouve que quand on a pu vérifier, alors c'était pas par ordinateur, je crois qu'on a vérifié. Si. Il y a un humain aussi qui a vérifié avant. A priori, non. Chang avait calculé 707 décimales à la main en 1870 et des bananes. Et il a mis 4 ans, je crois. 1873. Il a mis quand même du temps. Et c'est clair que se dire je vais vérifier son résultat, c'est nul parce que t'as pas ton nom dans le livre des records parce que tu fais que vérifier. Sauf si tu trouves qu'il a faux. Mais surtout s'il a mis 20 ans à faire les calculs, si en 1873 tu commences à vérifier, c'est dans ce résultat 1893 dans le meilleur des cas. Quoi. Donc les gens étaient un peu impatients quand même. Il y avait 707 décimales qui étaient calculées. Donc personne n'a eu le courage avant les premiers ordinateurs en fait. Et avec le million de décimales, publication exceptionnelle que possède le PNL. Ah oui, non, c'est autre chose, ça, c'est bien après. C'est bien après ? Ah oui, c'est pour le centre, c'est en 1973. Ah d'accord. C'est 100 ans après chance. Le premier calcul par ordinateur, c'était 808 décimales, je crois. C'est comme ça. C'était à peine plus. 2032. Non, d'accord, ok. je sais plus pourquoi je retenais 808, je trouvais ça marrant, 707-808. Pierre connaît le nombre de décimales de pi par AB marqueur. Tous les records dans l'ordre, avec les dates et le nombre de décimales. C'est exponentiel d'ailleurs. Le nombre de décimales connues aussi, c'est monstrueux. Exponentiel, je sais pas. Fais attention, si tu utilises des termes mathématiques. Ouais, je maintiens, je crois que c'est exponentiel. C'est possible, je sais pas, faudrait vérifier. Peut-être, je maintiens pas. Enfin, ça va vite en tout cas. Et donc voilà, et donc en. Et ça a été corrigé c'était 48 ou je dis encore des conneries 49, je pense. 49, ouais, ça c'est juste pour me contrarier. Il y a donc quelqu'un qui a battu le record de Chang avec un ordinateur et qui s'est rendu compte que c'était pas 707 décimales qu'il avait calculé, mais 528, puisque à partir de la 528e ou 529e. Oui, 528, c'est ça. La 528e et toutes les suivantes étaient plus. Et à l'époque, c'est pas un mythe, on s'est dit que l'ordinateur s'était trompé, parce que c'était le même l'ordinateur. C'est dans la philosophie de l'époque, c'était clair que si l'ordinateur ne trouvait pas la même chose que Chang, ça voulait dire que l'ordinateur, c'est une machine du diable qui n'avait pas d'avion, parce qu'elle n'était même pas foutue de refaire les calculs qu'on savait faire à la main. C'est très pratique, c'est encore très souvent la faute à l'ordinateur aujourd'hui. Voilà. Mais disons que bon, ça n'a pas d'avenir, on peut dire que les gens qui disaient ça à ce moment-là se sont un peu trompés quand même. Un peu. Et donc quand même, ça veut quand même dire que pendant une dizaine d'années, les décimales étaient fausses, mais évidemment personne ne s'en est rendu compte. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était c'était quand même la science du moment et la découverte du moment. Alors aujourd'hui, il n'y a plus toutes les décimales. Mais en temps réel, ça a été modifié. Oui, ça a été modifié en temps réel. Et il n'y a quasiment pas eu besoin de fabriquer de nouveaux chiffres. C'est Voilà un exemple de la Malheureusement, oui, parce que dans les décimales de Chang, a priori, on espérait qu'il y ait 70, 0, 71, 72, etc. À peu près. Et en fait, il y avait 53, 7. C'était quand même très loin de 70. Ouais. Et à l'heure actuelle, il y en a 65. Ouais. C'est-à-dire que, avec les bonnes décimales, on retrouve un truc qui est raisonnable par rapport à ce qu'on espérait. Quoi. Donc, ça veut dire qu'on est passé de 53 à 65 pour les 7. Donc, il a fallu retailler les 7 pour les mettre. C'était pas simplement permuter des chiffres pour les mettre à la bonne place, c'était aussi en créer de nouveaux qui n'étaient pas là. Quoi. C'est ça. D'autres choses à nous raconter sur la salle Pi Deux, trois. Disons qu'à un moment donné, on s'est quand même rendu compte que sur les 707 décimales, il en manquait 3 qui étaient tombés. Il y a une petite corniche et c'était tombé derrière. Le temps qu'on se rende compte que les décimales étaient tombées. Qu'on donne l'ordre, qu'on se renseigne sur comment il fallait faire, qu'on trouve le moyen de prévenir, qu'il fallait recoller les chiffres, etc. Quand le gars est arrivé pour recoller les chiffres, ils n'étaient plus là. Enfin. Donc il y a quelqu'un qui a braboté les trois décimales, les trois dernières. Il y en a 704. Donc il n'y en a que 704. On s'en fout un peu parce qu'on en a calculé beaucoup plus. Quoi, hein. Si en 1950 on en était à 2000, évidemment en 2012. D'ailleurs, je crois qu'on en est à 10 000 milliards. Ouais. C'est pas homologué encore. Mais... Ce qui est homologué, c'est 2700. Ouais. 2700 milliards. Oui. Et pas 2700, sinon on n'aurait pas avancé de façon exponentielle. Alors après, pour passer, alors je sais plus si on est dès la création, j'ai eu un peu de mal à savoir, il y a la loterie de l'hérédité qui Elle n'était pas là à la création. Elle n'était pas là à la création, c'est ça. Mais qui est assez intéressante, donc peut-être tu peux nous décrire ce que c'est. On ira la voir samedi normalement. Alors, c'est une très grande maquette aussi. Elle va faire au moins 4 ou 5 mètres de haut. Où on a deux axes verticaux qui soutiennent des tiges avec des paires de chromosomes. Voilà, on mélange en fait en faisant tourner les chromosomes sur leur tige. On mélange tout et on prend au hasard, c'est pour ça qu'on parle de loterie, des chromosomes chez le père, des chromosomes chez la mère pour simuler entre guillemets un enfant. Voilà. Et on voit le visage de l'enfant. Et on voit, alors aujourd'hui, on voit le visage de l'enfant. À l'époque, on ne voyait pas le visage de l'enfant. La loterie, elle a été installée au palais au début des années 50. Je pense à peu près, oui, entre 50 et 55, je ne sais pas exactement. Mm-hmm. Elle avait été conçue par Jean Rostand. C'est un principe pour expliquer en fait les bases de la génétique de Mendel, c'est-à-dire la transmission des caractères héréditaires des parents aux enfants. Et c'est un principe qui est vraiment super clair, quoi. Surtout ce qu'on voit très bien, très c'est explicite. Par exemple les gènes récessifs, le fonctionnement. Voilà, oui, dominant, récessif, etc. Et ça explique vraiment très bien. Ça fait un petit moment que je circule dans ce milieu et j'ai vu beaucoup de choses pour essayer de faire comprendre ces lois qui sont pas évidentes pour le grand public. Et j'ai jamais vu aussi bien, quoi. Mmh. Et alors effectivement, à la création, il y avait, c'est-à-dire au moment où on l'a installé, il y avait sur cette maquette 48 chromosomes pour chacun des individus, le père et la mère, alors qu'en fait l'homme ne possède que 46 chromosomes. Mmh. Mais ça, on l'a su en 59 en fait. Là aussi, c'était la science en train de se tromper. Voilà. On connaissait les chromosomes depuis. Sauf que là, par contre, on ne savait pas que c'était. Parce que dans la simplicité, si je ne dis pas de bêtises, il y avait un écriteau disant que ça n'avait pas encore été vérifié. Non ? Ou pas ? Ouais. Non, c'est une bêtise. Ok. C'est le contraire, il y avait une signalétique qui montrait à partir d'où ça avait été activé. Ah, et donc oui, là, on ne savait pas. Mais on connaissait les chromosomes depuis longtemps, depuis la fin du 19e siècle, mais on avait des difficultés techniques en fait, d'observation qui ne permettaient pas de savoir exactement. En fait, j'avais lu, donc j'ai dû me tromper en recopiant, qu'on avait mis 46 au début, quand en réalité il y en avait 48, j'ai bien non. sûr. Ouais, mais et du coup, dans l'autre sens, c'est amusant, parce que qu'on en voyait d'autres trop en fait. Oui, je l'ai lu de toute façon. Ils se sont trompés. Je voulais vérifier en plus. C'est pas Mendel qui les a découverts, les chromosomes. Lui, il avait fait ses lois sans connaître l'existence des chromosomes. Absolument, oui, il ne connaissait pas du tout les chromosomes. Ouais. Lui, il parlait de d'entité qui portait les caractères. Il savait pas ce que c'était. Alors, voilà. Mais ce qui rend cette découverte d'autant plus forte. Quoi, parce que, Et l'ADN a été découvert en 52, 53 53, d'accord. Donc ça coïncidait en fait. Oui, à peu près. Bah, tout avançait un peu parallèlement, les connaissances là-dessus. C'était, il y avait des biologistes, évidemment, mais aussi il y avait pas mal de physiciens qui travaillaient sur l'ADN, sur l'observation, la structure de l'ADN. Mmh. Voilà. Et alors, dans les choses très intéressantes aussi, parce que là, même plus que la science est en train de se tromper, c'est quasiment le reflet aussi d'une époque au niveau intellectuel, etc., c'est qu'il y avait un gène de l'intelligence dans la loterie. À l'époque, on pensait que parmi les caractères héréditaires, il y avait l'intelligence, évidemment. Bon, qui a été donc pareil retiré. C'est toujours controversé, d'ailleurs. Il y a encore des gens... C'est pas fondamental. Enfin, il y a un peu de ça. C'est surtout qu'à la limite, ce serait peut-être un ensemble de gènes. Quoi. Oui, c'est ça. Oui. De toute façon, oui. Mais il y a une part héréditaire au QI. Enfin, oui, il y a une part héréditaire. Oui, il y a... À l'heure actuelle, tout le monde, tous les chercheurs sérieux, disons, pensent qu'il y a une part héréditaire. Mais il y a une part environnementale aussi. Il y a une part de l'environnement, c'est-à-dire l'éducation, le milieu dans lequel on vit, la société, enfin, tout ça, qui est prépondérante, qui peut moduler beaucoup l'expression de ces gènes qu'on ne connaît pas, de toute façon. Donc c'était pas si faux que ça de faire un gène de l'intelligence. Ouais, puis c'est très simple. Un peu aussi. Voilà. Après, l'intelligence, c'est difficile à définir. Oui, déjà, il faudrait savoir comment définir l'intelligence. Oui, voilà. Et sur le fonctionnement de la loterie de l'hérédité, c'est qu'une fois qu'on a fait le tirage au sort, ce qui est intéressant aussi, entre autres pour voir le fonctionnement des gènes récessifs et non, c'est de la modifier localement. Donc quand tu as un gène d'intelligence, ça devient un peu plus gênant que quand tu modifies le menton, parce que voilà. Celui-là il est crétin, dommage. Il avait quelle tête, l'enfant crétin. Il avait pas de tête à l'époque, parce qu'il avait pas de visage. Non, mais il y avait quand même des caractères morphologiques, la couleur des yeux, des cheveux, la forme des sourcils, du nez, etc. Le fait de réussir à faire une vue avec sa langue. Les visiteurs, la gouttière linguale. C'est ça. Comme ça. C'est génétique. Et oui, donc voilà, sur la route, sur la loterie des réalités, pas la route. Alors après, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, alors, dans les choses, alors ça c'est beaucoup plus, c'est plus récent, donc c'est pas du tout à la création, on a un peu quitté la création, de toute façon, là, sur le tout. C'est qu'il y a les récréations mathématiques, donc duquel ça vaudrait le coup de parler un peu quand même. Parce que c'est les récréations mathématiques, c'est la salle la plus sélective du Palais de la Découverte. Bah oui, les autres, il n'y a pas de sélection du tout. Donc, pas à la création, mais depuis aujourd'hui, c'est la salle la plus sélective parce qu'il y a un test d'entrée. Donc, il y a un test pour avoir le droit d'entrer. Que vous ferez tous au brunch samedi, pour ceux qui viennent. Ça plaisante pas. Et donc plus sérieusement, donc les récréations mathématiques. C'est un test que tout le monde réussit quand même. Voilà. Ouais. Ça prend plus ou moins de temps. Réussir à mettre la langue en U, c'est à peu près 90%, je pense, de la population qui réussit à le faire. Par contre, en tout cas, une grosse majorité. Ouais. Là, c'est carrément la totalité des gens qui réussissent à le faire. Donc le test, c'est juste pour rigoler, quoi. L'idée, c'est de montrer qu'on peut prendre un certain plaisir à faire des maths. Alors, par exemple, en réussissant ce test. Parce qu'en général, quand les gens le réussissent, ça se voit plutôt dans leurs yeux, ou ça s'entend parce qu'ils poussent des cris, tout ça, avant de regarder ce qu'ils ont fait vraiment dans leurs mains. Donc, on peut dire que c'est essayer de montrer aux gens qu'on peut prendre du plaisir à faire des maths. Quoi. Ce qui est clair, c'est que si on ne le fait pas, il y a quand même un certain nombre de personnes qui arrivent pour accompagner leur famille, leurs enfants, tout ça, machin, qui disent « non, mais c'est pas pour moi, non, je ne vais pas participer », tout ça. Et là, le truc qu'on leur propose a l'air tellement simple qu'ils ne savent pas dire non. Et une fois qu'ils ont trouvé, ils sont tellement contents qu'ils ont envie de faire la suite. C'est une espèce de façon d'accrocher les gens. Parce que c'est un casse-tête qui a ce côté... De toute façon, c'est toujours la première question. La première question des gens, c'est un casse-tête à deux pièces identiques. Du coup, quand on dit qu'il faut faire un tétraèdre, la première question en général, c'est tout. Oui, c'est tout, pièces. C'est possible. C'est possible. Non, mais avec deux pièces, vraiment. C'est toujours ça qu'on a demandé. Et voilà, et donc la salle des récréations, c'est plein de petits casse-têtes comme ça, et accessible. Donc je crois que c'est de 9 à 99 ans, c'est ça? Oui, on va peut-être changer la formule, parce que, après tout, s'il y a quelqu'un qui a plus de 99 oui, ans, chaque jour, c'est ça très. On va toujours le jeter en lui disant qu'il est trop vieux. Donc on va peut-être dire simplement que c'est à partir de 9 ans, par exemple, ouais. Ça serait pas plus mal. Mais c'était pour singer un peu la formule de 7 à 77 ans. Sauf que ça démarre plutôt à 9 qu'à 7. Donc, l'idée, ça vient en fait d'un directeur du Palais de la Découverte qui s'appelait Jean Rose. Et Jean Rose avait demandé à un moment donné, je ne sais pas si tu as connu ou pas. J'ai connu Jean Rose, oui. Il avait demandé à un moment donné à ce que dans le département, on fasse des activités pour les gamins. Pas seulement pour des ados, mais aussi pour des gamins du primaire. Et donc, dans les choses qui ont été pensées à l'époque, ça devait être aux alentours de 85 ou 88, je ne sais pas. 1985. dans les choses qui ont été faites, donc à l'époque, celui qui s'occupait des mathématiques, c'était Jean Brett. Et Jean Brett avait cogité un certain nombre de manips qu'on pouvait faire de façon assez approfondie avec les gamins du primaire. Il l'a testé d'ailleurs, y compris en situation, c'est-à-dire en se déplaçant lui-même dans des écoles. Pour mener une activité autour de ces manips. L'idée, c'était de faire quelque chose qui soit accessible aux gamins, qui ne nécessite pas un prérequis sur la lecture extraordinaire pour essayer de comprendre la situation et pour essayer de faire les choses, et qui soit abordable, ou qu'on puisse avancer, disons, dans une durée relativement courte, quoi. Donc que ce soit signifiant, qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment fait de type mathématique au cours de cette activité, tant entendu que l'activité à ce moment-là devait être très courte, du style 1h30, 2h maximum. Quoi. Petit à petit, ça s'est quand même énormément réduit. C'est 1h tout compris maximum. Il y a des gens qui restent plus longtemps. Et puis, pas les classes. Quand on est avec des classes, non. Avec les classes, oui. Et finalement, ça s'est pas mal diversifié. Il avait proposé un certain nombre de situations. Et puis finalement, à force, on a réussi à en rajouter une ou une autre. Bon, le tétraèdre, par exemple, c'est quelque chose qui a été rajouté après. Mais c'est toujours dans le même esprit, c'est-à-dire avoir une situation dans laquelle les gens, ou en particulier les gamins, peuvent entrer assez rapidement dans la situation, s'approprier le sujet, et puis trouver dans un temps raisonnable des choses un peu conséquentes sur la situation en question, et être assez réceptif pour des explications s'il y a besoin d'en donner. Il y a des fois où il n'y a pas besoin d'en donner, il y a des fois où il y a besoin d'en donner, ça permet d'avoir aussi un discours sur les méthodes qui permettent de faire des mathématiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une condition nécessaire, une condition suffisante, qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement, qu'est-ce que c'est qu'une démonstration. Qu'est-ce que c'est qu'une démonstration, qu'est-ce que c'est qu'une définition, même. On a un casse-tête avec une seule pièce qui permet de poser la question de la définition. Oui. Enfin bon, donc il y a... C'est quoi, en fait? Un casse-tête avec une seule pièce. Tu peux nous dire le nom? Ouais, les trous du cube, ouais, c'est classe. C'est assez classe. Très classe. Ouais. Faut faire attention à la façon dont on le dit. C'est les trous du cube. Donc, ça permet de poser la question de la définition et de voir un petit peu à quoi peut servir une définition en mathématiques. Et la question est très simple. On peut vous dire la question, vous n'aurez pas le casse-tête, sauf ceux qui viennent dans celle-là. C'est combien de trous a le casse-tête en bois en question? Le cube. Ouais, qui est un simple cube percé de part en part. Toutes les faces et toutes les trous se rejoignent au centre. Voilà. Ah, d'accord. Ah ouais. Les trous se rejoignent. Et voilà. Bah non, mais on va pas entamer la discussion maintenant. Mais... Non, c'est pas 6, ça serait pas drôle. Disons que si les trous se rejoignent au centre, ça veut dire qu'on a une définition particulière de ce qu'est un trou. Donc, bon, on va supposer que. En fait, la question qui est posée par le casse-tête en question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un trou? D'un point de vue mathématique, je parle pas d'autre chose. Il y a moyen d'aller très très loin dans Oui, je veux bien. Dans les différentes acceptions du terme. Et, est-ce que c'est quelque chose qui est utile après en mathématiques? C'est-à-dire, est-ce que le fait qu'on ait une définition va permettre de faire des mathématiques? Okay. Ou est-ce que c'est une espèce d'impasse parce qu'on a une définition tellement précise, tellement qu'elle marche juste pour ce cube, par exemple? Donc, c'est pas très utile à ce moment-là. En fait, selon ce qu'on va appeler être un trou, on va pouvoir compter différents trous. Dans... Mmh. C'est, voilà, c'est tout que tu as le droit de l'appeler des... comme tu veux. Il y en a qui et après, éventuellement, on va pouvoir classer un certain nombre d'objets en fonction du nombre de trous qu'ils ont, des choses comme ça. Quoi. Donc, il y a un exemple simple pour comprendre le type de problème qu'on peut rencontrer. C'est un tuyau. Il y a un micro, mais il rigole à cause du trou. Un tuyau, il y a combien de trous? Alors, certaines personnes sont d'accord pour dire qu'il y a un trou. Ou deux, ouais. Et d'autres disent qu'il y en a deux. Voilà. Ouais, mais sauf qu'un tuyau court, du coup. Au bout d'un moment, on est embêté, parce que ça ressemble à une bague, et une bague, on n'a pas envie de dire qu'il y a deux trous. Donc il va falloir se mettre d'accord. Une bague, je dirais qu'il n'y a pas de trou du tout. Et c'est là où il y a un côté proche de la réalité à ce casse-tête, parce qu'à la fin, tu sais mettre un tableau au mur sans faire de trou. Mais bon, ça, c'est une application. D'accord. C'est un prochain épisode. Alors, là on va revenir vers Marie, parce que là il y a un truc qui devrait être assez intéressant, parce qu'il y a en 1989, si je ne me trompe pas, et tu étais déjà au palais, il y a l'école des rats qui est arrivée. Exact. Peut-être que tu peux nous raconter, donc il y avait des trucs marrants avant, et puis comment, qu'est-ce qu'a été le but et... Alors, avant on avait des pigeons. En fait, on avait, ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'était une école des pigeons. Et on avait des pigeons qui étaient conditionnés. Et les pigeons, ça va prendre? Ah oui? Oui, à peu près tous les animaux, ça va. Oui, j'ai même entendu que les vers de terre. Les vers de terre, ça apprend. Les vers de terre, ça apprend. Ouais, c'est toi qui m'avais dit ça. Deux jours. À partir du moment où ils ont un petit morceau de système nerveux, ils peuvent apprendre, les animaux, en fait. Pas grand-chose, mais... Pas grand-chose. Non, un vers de terre, ça ne prend pas grand-chose, effectivement. Mais aussi des gens qui ne peuvent pas apprendre grand-chose. Oui, ceux qui ont qui n'ont pas le gène de l'intelligence, en fait. Je crois me souvenir que c'était pas le gène de l'intelligence, mais le gène de l'imbécilité. Ah d'accord. Voilà. Et à l'époque, en médecine, le terme, quand on disait de quelqu'un qu'il était imbécile, c'était un terme médical. Voilà. C'est du crétinisme. Peut-être pas. Parce que le crétinisme, c'est une maladie. Les personnes en manque d'iode. Oui. Oui. Peut-être ça. C'est ça. Crétinisme, d'où l'expression. Oui, voilà. Oui, oui, c'est ça. Le crétinisme, c'est une maladie qui est provoquée par un dysfonctionnement physiologique. Voilà. L'imbécilité, je pense que c'était inné quand même. Ouais, on avait ça à la naissance. C'était récessif, rassure-moi. Oui, sûrement. Donc, je ne sais pas. Et donc, voilà. Il y avait des pigeons avant, ce n'était pas les premières introductions d'animaux. Il y avait déjà beaucoup d'animaux. Ah, en 37, il y avait déjà des animaux. Il y avait, entre autres, les poissons électriques. Des poissons électriques qu'on a toujours. Voilà, aujourd'hui. Il n'y avait pas le poulpe. Le poulpe est parmi les derniers arrivés au palais. Et c'est aussi une école du poulpe, c'est-à-dire que c'est aussi un poulpe à qui qu'on dresse, entre guillemets. Oui, il y a un peu d'émotion parce que le poulpe là est en plein de vie. Le poulpe, il est Non, il n'est pas en fin de vie. Il n'est pas en train de se laisser mourir Non, il n'est pas en train de se laisser mourir. Je me suis trompée. Non, non, en fait, ce n'est pas un poulpe, c'est une poulpe. Et elle a pondu des œufs. Et donc, ça la rend patraque, quoi. Donc, il faut qu'elle se remette. Elle va forcément mourir. En conditions naturelles, elle protège ses œufs, elle ne s'alimente plus, elle finit par mourir avant leur naissance. Exact. C'était différent, du coup. Bah, au palais, on ne sait pas, parce qu'elle n'est pas dans des conditions naturelles, justement. À partir du moment où un animal, comme un poulpe, dans la mer, il est affaibli, il est beaucoup plus vulnérable. Mmh. C'est plus facilement une proie quoi, pour ses prédateurs. Là, le nôtre, il n'a pas de prédateur. À part les élèves. À part les enfants. À part, oui, des fois. Ou les invités. Le poulpe a parfois un sale caractère aussi. Ouais, surtout quand on lui donne du champagne à boire. Voilà. Là, il n'aime pas. L'école des rats. Mais du coup, il y avait déjà une école des pigeons. Mais donc, tout ça, ce qui est intéressant, parce que c'est ce qu'ils disent. Alors, on parle souvent d'un bouquin. Il y a un bouquin sur l'histoire du palais de la découverte. J'en parlerai à la fin. Et dans ce bouquin, ils disent quelque chose d'intéressant. C'est que le but était d'introduire des animaux, mais pas comme dans un zoo. Le but était que ce soit des animaux pour la science et pour présenter des phénomènes scientifiques. C'est-à-dire que le palais, c'est pas un zoo où on présente des animaux juste pour présenter des animaux. Les animaux, le spectacle des animaux, c'est quelque chose qui intéresse toujours. Les gens sont un peu fascinés, ils regardent les enfants en particulier. C'est quand même cette salle où on a des tas d'animaux et la salle la plus visitée par les petits, par les enfants, les primaires, etc. En plus, elle est en entrant à droite, donc effectivement. Et ceci dit, on n'est pas un zoo, on n'est pas un endroit où on expose des animaux pour montrer comment ils sont faits. Mais comme dans le reste du palais, on montre de la science et on montre des expériences. Voilà. Donc on a des animaux à partir du moment où on peut faire avec eux, pas sur eux, des expériences et montrer des phénomènes naturels au public, des comportements, des réactions diverses, etc. C'est ça la spécificité de la démarche du palais, c'est que c'est la science en train de se faire, c'est pas un musée où on montre, on étale, mais c'est vraiment la pratique de la science. Quoi. Ouais. Voilà. Alors, quand on montre un apprentissage de rats, c'est pas vraiment la science en train de se faire aujourd'hui. C'est des choses qui sont connues depuis longtemps. Mais on montre les expériences réelles qui ont été faites. Mmh. Oui, c'est-à-dire que les gens assistent à la manip, assistent à l'expérience. C'est le sens que les gens Perrin à la science en train de se faire. Oui. La science est en train de se faire devant les gens. Mais parfois, l'expérience scientifique se fait devant les gens. Sur certains phénomènes animaux, il y a quand même des. On voit vraiment des phénomènes sur la communication animale, justement. Oui, le comportement de la communication. Sur les batraciens, entre autres. C'est-à-dire que la science en chasse, comment ils se nourrissent. Voilà, c'est une expérience sur le comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'une grenouille, qu'est-ce que ça mange déjà, les gens. Quand on pose cette question au public, les réponses sont vraiment très variées, diverses. Et une fois que le public a trouvé que c'est carnivore, une grenouille, comment elle fait pour détecter ses proies, quel sens elle utilise, etc. C'est-à-dire que non seulement on va montrer, avec cette présentation-là en particulier, non seulement on va montrer un comportement, des phénomènes, des caractéristiques biologiques d'un animal, mais en plus on met en œuvre la démarche scientifique. C'est-à-dire qu'on met le visiteur un petit peu en position du chercheur qui est face à un phénomène et qui se pose des questions, comment ça marche, etc. Quelles expériences on peut faire. Et voilà, et comment je vais faire pour avoir la réponse à ma question. Donc on pose des questions au public et en plus de ça, on lui dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nos grenouilles. Alors ça, c'est justement, c'est intéressant qu'on y vienne, parce que c'est quelque chose dont je voulais parler, parce que au niveau de cette médiation humaine, là, c'est ce qui concernait, c'est qu'il y a vraiment cette approche de faire trouver le public, quel que soit l'exposé. De le faire participer, en tout cas. Faire participer et souvent aider, mais le but est que le public donne la réponse. Oui, quand on dit la science en train de se faire, c'est plus dans la tête du public. C'est ça, et aussi en train de se faire dans la tête du public, et ça, c'est une volonté en fait, qui est partagée dans tous les exposés. Oui, les récréations mathématiques dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment typiquement ça. On essaie de les transformer en mathématiciens sans le temps d'un exposé. d'un atelier, oui. C'est... les gens se prennent au jeu. En principe, la plupart du temps, oui. Alors, il y a quand même quelque chose que tu as dit, que, sur lequel je vais revenir, c'est de la façon dont tu présentes les choses, on a l'impression qu'on est censé apporter des réponses. Alors c'est vrai qu'on apporte des réponses, mais c'est vrai que la science, c'est pas que des réponses, c'est aussi des questions. Et donc l'idée, c'est aussi, de temps en temps, quand même, de réussir à faire en sorte que les gens repartent aussi avec des questions. Pas que des certitudes, la science et le dogme, ça va pas bien ensemble, quoi. C'est ok, on a besoin d'avoir un certain nombre de réponses pour avancer, mais une fois qu'on a les réponses, on peut se poser des questions. Et on peut se poser des questions un petit peu au-delà grâce à ces réponses, quoi. Mais ça fait partie des plaisirs pervers qu'on peut avoir, notamment en maths, de dire bravo, par exemple, dans les récréations mathématiques, on passe notre temps à dire aux gens bravo, vous avez trouvé, mais maintenant on peut vraiment se poser la vraie question, quoi. C'est-à-dire que globalement, quand on a trouvé, généralement, c'est quand on a trouvé une solution, c'est qu'en fait on en est qu'au tout début pour la plupart des activités qu'on propose. C'est ça. Bah ça, c'est une des qualités, de toute façon, à ce qu'on disait tout à l'heure, avoir des vrais scientifiques en face, c'est de pouvoir aller sur des questions. Ensuite, poser des questions, en fait, et pas forcément avoir les réponses, réfléchir. Ouais, essayer de frustrer deux, l'éditeur, c'est pas mal. C'est pas mal. On a toujours des questions à poser, enfin, d'exposer, auxquelles on répondra pas, quoi. Bon, c'est... Enfin, j'essaye d'en trouver au moins une par exposé, que je pose délibérément à la fin en disant, bon, bah, vous en pensez quoi? On n'a plus le temps. Oui, c'est ça, on n'a plus le temps, c'est la bonne excuse. Alors, sur l'exposition, c'est un peu celle que j'avais retenue au niveau... on peut parler de plein d'autres choses. Je ne sais pas, en maths, là, il faudrait parler des exposés en particulier ou alors d'expositions temporaires. En biologie, il y a plein d'autres choses, par contre. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Je pense que dans parmi les expos permanentes. Parmi les permanentes, il y a des choses que tu aimerais aborder, qui sont intéressantes, marquantes. Il y a une autre façon de faire de la médiation et d'intéresser le public, ce sont des ateliers. Alors, ça se rapproche un peu des récréations mathématiques, mais c'est-à-dire que dans vos récréations mathématiques, chaque visiteur en fait participe, manipule, fait quelque chose. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres présentations du palais, que ce soit dans n'importe quelle discipline, où le public est quand même plus spectateur, même si on essaye d'interagir beaucoup, où il y a plein de gens, un médiateur qui fait une expérience ou plusieurs et qui dialogue. Mais il y a aussi des ateliers, comme en biologie les ateliers du génome, qui sont des ateliers sur l'ADN, où chaque visiteur manipule, fait une extraction d'ADN, fait une électrophorèse, etc. Et, en fait, la raison, c'est que ce ne serait pas éthique de faire manipuler les visiteurs sur des animaux, par exemple. Ils manipulent sur eux-mêmes, quand même, pour l'extraction d'ADN. Sur eux-mêmes. Mais sur les animaux, si on laissait les gens toucher des êtres, Je ne sais pas, c'est peut-être ça, c'est trop compliqué. C'est complètement pas éthique. C'est pas éthique, ça dépend comment ils les manipulent. C'est pas ça, c'est justement... Enfin, comment dire... Les animaux, ils sont... Effectivement, on ne peut pas les traumatiser en les tripotant, en les manipulant. Le public n'est pas habitué, il pourrait leur faire mal. C'est ça, c'est pour la sécurité du public lui-même. C'est plus pour la sécurité des animaux, parce que nos animaux, ils ne sont pas dangereux, d'abord. Des rats, ça peut mordre. Oui, ça peut mordre. Oui, il y en a un qui mord. Voilà, oui, ça peut mordre, mais justement, si on les manipule bien, ils sont pas méchants. Ils n'ont pas de maladie, par exemple, les rats... sont connus pour être porteurs de maladies, les nôtres non. Et puis de toute façon, même les rats sauvages, les maladies qu'ils ont, c'est les nôtres, hein, puisqu'ils vivent dans nos déchets et dans nos poubelles, c'est nos maladies qu'ils portent. Ouais. Les rats, ils ont une retraite aussi. Les rats ont une retraite, oui. Les rats du palais. Ils ont un statut privilégié. Voilà. Mais c'est vrai que quand on voit les manips qui se passent en bio, enfin, je vois les trucs avec les araignées où carrément il y en a qui les prennent dans les mains, etc. On ne peut pas faire donner l'araignée dans la main du visiteur en disant on regarde le fil, tout ça. Enfin, il faut une certaine habitude, Voir ce que ça peut apporter aussi. Parce que c'est vrai que ça arrive, mais c'est, disons que ça va être une personne dans le public qu'on va prendre un peu comme. Pour montrer qu'un animal, y compris une araignée, c'est pas quelque chose d'horrible. Voilà. Par exemple, l'expérience qu'on fait tous à l'école de disséquer une cuisse de grenouille, ça c'est pas du tout le genre que vous faites. On fait plus. Ça s'est fait pendant longtemps, il y a eu des dissections au palais. Ah oui ? Oui. Par les visiteurs, non ? Non. Ah oui. Par les médiateurs devant les visiteurs. D'accord. Voilà. Mais ça se fait plus du tout parce que la sensibilité du public a pas mal changé. Le public se laisse électrocuter, mais ne peut pas avoir une dissection. Possible. Possible. Ah, voilà. Les gens sont dérangés à l'idée de... Oui. Si on leur disait qu'un cœur de mouton, un œil de bœuf, aujourd'hui, il y en a... En même temps, c'est un truc qu'on fait en cours. Hein. Oui, mais c'est obligé de le faire, du coup. Je sais pas, c'est en classe, je me souviens d'avoir fait des dissections, d'en avoir vu faire... Tout à fait. Oui. Mais bon... Peut-être pour ça aussi que c'est moins intéressant, d'ailleurs, en français. C'est pour ça. Non, mais il le faisait déjà à l'époque, je pense. Mais... Bon, ils sont devenus sensibles, les gens. Et puis, c'est des exposés qui ne marchaient plus. Il n'y avait plus personne. Les gens... Ça ne les intéresse plus, en fait. Hein. Ça ne les intéresse plus. D'accord. C'est-à-dire que c'est une époque où il y a eu... Où les images, que ce soit fixes, mais animées surtout, ont explosé. Et les films... Ah oui, donc voir simplement, c'était plus intéressant. Voilà. C'était pas encore une époque où voir les choses en vrai était le plus important. C'était vraiment une période, je pense... À mon avis, hein, où l'arrivée des documentaires animaliers, des émissions scientifiques, etc., ça a explosé et les gens étaient plus attirés par ça. Mais d'ailleurs, c'est intéressant de voir ça, parce que là, vous devez savoir très bien ce qui intéresse les gens dans la science, en voyant les attractions qui... Enfin, les activités qui marchent et celles qui ne marchent pas, vous devez avoir une idée très pointue de ce qui est au cœur de des questions de science qui intéressent la société, quoi. C'est marrant que tu dises attraction, parce que j'ai lu, alors je sais plus si c'est dans le petit bouquin ou dans d'autres documents que j'ai récupéré, que ce côté attraction, il disait que justement c'était le contraire. C'était que grâce à l'explication scientifique, les gens se disaient « Ah, mais c'est juste ça, ce phénomène que je vois là, cette table qui l'évite. » Alors c'est imagé, c'est romancé, mais c'est un peu la philosophie derrière. Il y a quand même un certain nombre d'exposés où il y a une partie revendiquée grand spectacle. Je veux dire, l'électrostatique, il l'assume. Je suis complètement d'accord, mais... L'air liquide, il y a quand même un truc de magie dont on n'a pas parlé. Je pense que ça fait partie vraiment des exposés phares aussi, même si là, c'est en panne. Donc c'est le côté spectaculaire là, qui joue plus. Voilà, il y a une partie. Et qui n'est pas forcément évidente à gérer, justement, parce que justement, le public peut prendre ça comme une attraction, se marrer, rigoler, enfin... être complètement, vouloir juste voir une expérience, tout ça. Enfin, vous essayez d'éviter ça au maximum. Bah, nous, on est assez tranquille en maths, mais c'est vrai que on a peu de trucs qui font boum, quoi. Je veux dire, c'est... Non, mais, en fait, mais c'est vrai que c'est un truc qui n'est pas si évident que ça. On a parlé déjà avec... Non, mais c'est vrai. On a parlé... Nous, généralement, quand c'est un boom intellectuel. Donc, je veux dire, il faut avoir suivi pour que ça marche, quoi. Donc, on a quand même des manips et tout, mais c'est pas du même ordre. Et c'est vrai que, ne serait-ce que le bruit, l'électrostatique, ne serait-ce que le bruit, quand ils font des éclairs, il y a un grand bruit qui fait que derrière, et tout le monde qui rigole et tout, et récupérer la parole derrière et balancer une explication derrière, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais il y a du spectacle qui aide à la compréhension, je trouve, en électrostatique, où quand on voit un éclair immense arriver sur la cage avec la personne qui a une main et que la personne ne sent rien, on comprend que... Non, mais c'est des images marquantes. Mais c'est vrai que il y a une part, je pense, attraction de spectacle... Et du coup, c'est difficile de naviguer entre les deux, je pense. Un problème qu'on a, nous, évidemment, beaucoup moins. Compléter ce que j'ai dit tout à l'heure à propos... Vous me demandez pourquoi on a arrêté de faire des dissections. Il y avait effectivement... pour une part, c'était parce que la façon dont le public recevait ça a changé. Mais il y a aussi qu'on voulait faire des dissections... c'était quelque chose qui s'était fait depuis très très longtemps, des siècles, quoi. Enfin, et il apparaissait des recherches, justement, et des résultats de recherche nouveaux qu'on voulait présenter. Et on n'a pas des espaces qui agrandissent, donc il fallait bien aussi, c'est des contraintes purement matérielles, mais remplacer des vieilles présentations par des nouvelles. Et, en particulier, c'est à peu près à ce moment-là qu'on a commencé à cogiter sur... la salle actuelle de biologie animale qui est dédiée au comportement et à la communication. Parce que c'était la pleine période aussi de l'éthologie. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est vraiment, c'est concrètement, c'est des thèmes de société. C'est qu'aujourd'hui, l'anatomie en elle-même n'intéresse plus personne. Oui. Alors que par contre, les comportements, tous ces thèmes-là sont beaucoup plus au centre de l'intérêt des gens, quoi. Enfin, oui, c'est ça. Et donc vous, en fait, vous êtes obligé de suivre ça et vous êtes au courant. Voilà. Non, mais c'est pas seulement la science en train de se faire, c'est aussi. C'est aussi les goûts du public. Il y a aussi les goûts. Probablement. La société en train de. Qu'est-ce que la société demande à la science un peu. Probablement. D'un autre côté, nous, en maths, on est quand même payé pour savoir que les goûts du public pour les maths sont pas extraordinaires et qu'on peut pas s'en tenir au goût du public. C'est ça. Que de temps en temps, il faut leur donner des idées, commencer à leur parler de choses auxquelles ils n'avaient pas pensé. Ça fait aussi ça, poser des questions d'une certaine façon. C'est-à-dire que. Bon, ben, on va leur parler d'un truc, il ne leur serait pas venu à l'idée qu'on pouvait leur parler de ça, que ça pouvait exister. Et puis finalement, on en cause, quoi. Et puis ils découvrent quelque chose à cette occasion-là. Donc c'est pas seulement la science en train de se faire, c'est aussi le palais de la découverte. C'est ça. Hein. Attention. Tous les messages commerciaux sont passés. Vous avez un truc à... Non, c'est pas vraiment commercial, parce que le commerce, maintenant, on fait partie d'Univers Science. On est un établissement public industriel et commercial. Donc ce serait plutôt cet aspect-là qui devrait être commercial. Là, c'est de la pub peut-être, mais c'est pas du commercial. Tu dis, voulais dire un truc, Robin ? Je sais plus quoi, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Tu veux partir sur les expos temporaires ? Ouais, par exemple, sur les expositions temporaires. Tu avais l'air d'avoir pensé à des choses. Non, on n'a pas parlé encore du département de géosciences. C'était un peu ça que je pensais. Et c'est vrai que le département de géosciences fait des trucs. Il y a je crois pas, enfin, je veux pas les vexer, ils sont pas là, mais je crois pas qu'il y ait une salle connue comme l'électrostatique, comme la salle Pi, comme le planétarium, comme l'air liquide, qui sont vraiment des trucs que les gens. Enfin, les gens viennent pour voir ça. Clairement, ils l'ont vu quand ils étaient petits, ils reviennent voir, faire voir ça à leurs enfants, des trucs comme ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait le même genre de phénomène. Par contre, il y a un truc qui attire vraiment toujours beaucoup de monde, c'est. Enfin, je sais pas, faut m'arrêter si je dis. Non, c'est bien parti. Par contre, il y a un truc qui a vraiment énormément de succès à chaque fois que ça a lieu, c'est les expos temporaires sur les dinosaures. Ouais. Là, clairement, c'est un truc qui attire les foules. C'est un thème. Y compris quand il n'y en a pas. Y compris quand il n'y en a pas. Mais c'est-à-dire que quand on n'est pas avec une exposition temporaire de dinosaures, les gens quand même viennent au Palais de la Découverte pour voir les dinosaures. Parce qu'ils savent qu'il y a une exposition sur les dinosaures au Palais de la Découverte. D'ailleurs, pendant longtemps, il y a eu une tête de dinosaure à l'extérieur du Palais de la Découverte pour accueillir le public. C'était assez impressionnant. Alors c'est marrant parce que sur cette exposition des dinosaures, en plus, alors je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais sur une des premières qui était très grosse, c'était fabriqué maison les dinosaures. Non. C'est jamais parce que j'avais lu que c'était qu'ils avaient fabriqué ça. D'accord. Non. Je crois qu'il y a deux fabricants en Angleterre et au Japon. Et au Japon, c'est ça, voilà. Ouais, j'avais lu qu'il y en avait une. Donc tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre. Par contre, l'installation du truc peut être faite maison ou ça peut arriver tout clé en main. La transition adaptée, sur l'atelier de menuiserie, etc. est ratée. Et ce qui est très clair, c'est qu'il y a toujours un énorme pic de fréquentation à chaque expo sur les dinosaures. C'est toujours À chaque fois, la scénographie, donc les décors, etc., ça a été fait au palais. Voire même des petits détails rajoutés. Oui. C'est les grosses bêtes qui arrivaient. Grosses bêtes animées et résistantes. Animées, voilà. Voilà. Ouais. Et que ça fasse du bruit, que ça fasse peur. Autrement, ta transition vers l'atelier de menuiserie, tu l'as réussi quand même. S'il n'y a pas que la menuiserie, Pas que des choses justes dans ce qu'on lit. Tout à fait. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Alors, on n'est pas obligé d'en parler tout de suite parce qu'il y a l'expo temporaire, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a marqué dans le passage, c'est cet atelier de menuiserie, enfin, c'est pas que menuiserie, atelier qui fabrique beaucoup des pièces qui sont dans les expositions, exposées, etc. Là, on a. Entre autres, les tétraèdres et même toutes les récréations mathématiques, finalement. Sortent des ateliers du palais, tantôt plasturgie, tantôt menuiserie, tantôt mécanique, c'est-à-dire métal, et tout comme ça, quoi. Mais effectivement, on a des ateliers, et puis il y a un atelier graphisme aussi qui fait énormément de choses. Notamment les panneaux d'exposition. Voilà, pour présenter les objets qui ont été faits par ailleurs, etc. Et ce qui permet entre autres d'avoir une certaine dynamique. Oui, c'est-à-dire que par exemple, le record du nombre de décimales de pi a été battu, on peut mettre un truc en salle immédiatement. Bon, là, c'est le graphisme. C'est le graphisme qui va se charger de nous faire une affiche rapidement. Les trous du cube, c'est finalement arrivé assez vite après. Les trous du cube, mais là, c'est le menuisier qui nous l'ont fait. C'est le menuisier qui nous l'ont fait. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'ils sont sur place, les gens, avec nous. Et donc, ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Mais quand même, ça les a intrigués, quoi, pour connaître. Donc, ils ont fait des cubes, ils les ont trouvés. Et vous avez demandé combien de cubes ? Ils nous les ont donnés. Et puis, le lendemain, on a vu débarquer une équipe de menuisiers dans la salle de maths. Parce qu'ils voulaient quand même savoir pourquoi on leur avait fait faire ça, quoi. C'est vrai que c'est, même en dehors des ateliers, enfin, il y a les ateliers, il y a les gens de l'accueil, et puis il y a entre nous, entre médiateurs, c'est vrai que c'est quand même le cadre d'être dans le palais de la découverte, c'est un truc vachement bien. Enfin, avant d'arriver au palais de la découverte, j'étais quand même grandement fâché avec la physique, la chimie, par exemple. Et c'est vrai qu'être sur place, je croise des gens qui sont passionnés et qui aiment expliquer ça, donc c'est bien, quoi. Je voulais ajouter qu'on a aussi des ingénieurs qui imaginent les manips, c'est-à-dire qu'ils trouvent les solutions techniques pour réaliser les manips. D'accord. Et il y a aussi évidemment des gens pour s'occuper des maquettes ou des dispositifs interactifs. Oui, et puis il y a un endroit qui est important comme dans n'importe quelle entreprise, c'est deux endroits qui sont importants comme dans n'importe quelle entreprise, c'est la cafétéria et la machine à café. Tout à fait. C'est le genre d'endroit où on discute un peu à bâton rompu avec les collègues, par exemple les menuisiers, par exemple le plasturgiste, etc. Et on a une vague idée d'un truc qu'on voudrait faire, on discute avec eux si c'est faisable ou pas, s'ils voient une solution, si on a l'air complètement malade de penser qu'il faut faire ça chez eux ou quoi. C'est très très utile, ça permet de gagner énormément de temps par rapport à je fais un dossier, un cahier des charges, je sais pas quoi, que je balance n'importe comment sans trop savoir. Ça fait non seulement gagner du temps, mais ça donne des idées, c'est-à-dire qu'effectivement, régulièrement, ils trouvent des solutions auxquelles on n'aurait jamais pensé. Bien sûr. Voilà, au départ, on imagine une manip ou un dispositif, on va les voir, on leur dit voilà, je voudrais un truc qui fait ci, ça. Et... J'ai pensé qu'on pourrait faire comme ça, et eux, ils disent oui, mais ils améliorent ton système, voilà. Ou bien ils te disent ça ne marchera jamais ton truc, voilà ce que je te propose. Et dans les gens, c'est un travail en commun qui est super, très intéressant. Et il y a aussi une sorte, tant qu'on parle de l'arrière-boutique, je ne sais pas si le mot va être bon, je vais me faire rattraper, mais une animalerie, en fait, il y a tous les gens qui élèvent, qui adressent. Il y a tout un service qui s'occupe des animaux. Qui garde certains animaux qui sont plus exposés aussi, je crois. Il n'y a pas des araignées qui sont, ou des trucs comme ça qui traînent. Des araignées, c'est à l'époque que j'avais visité. Non, on a des animaleries, effectivement, et des gens qui s'occupent non seulement d'entretenir les animaux, de les nourrir, de nettoyer leur cage, etc., mais aussi de mettre au point les élevages et de mettre au point les expériences qu'on veut faire avec eux. Comme dans tous les départements, enfin l'unité, quand on veut présenter un nouveau sujet, un nouveau thème, on va voir d'abord dans les laboratoires qui traitent de ce sujet, et en général on trouve des expériences justement qu'il faut qu'on adapte. Et en ce qui concerne le vivant, dans les laboratoires, les gens, ils font une expérience, donc ils prennent des bestioles, mettons des araignées, ils font leur expérience pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, et puis après, ils remettent les animaux dans la nature, mais ils arrêtent. Tandis que nous, quand on fait ça, quand on crée un nouvel exposé avec, par exemple, des araignées, et bien les araignées, il faut qu'on en ait toute l'année, d'une part, donc il faut avoir un élevage pérenne. Et d'autre part, il faut que l'expérience qu'on fait, elle soit reproductible tous les jours. Ouais. Donc, et là, c'est pas du tout la même chose qu'une expérience en laboratoire. C'est une sorte d'industrialisation de ces expériences. J'aime pas bien le mot, c'est passé à l'échelle. En fait. Il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la production d'animaux. Enfin, pas production, c'est vraiment. Non, mais là, c'est les mêmes animaux qu'on réutilise tous les jours. On ne change pas de. C'est un service tout entier qui fait ça. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est ce qu'on n'imagine pas. Il y a toute une arrière-boutique immense. Dans l'arrière-boutique, à pas oublier quand même, il y a aussi tout ce qui est le multimédia. On a aussi des gens qui font des vidéos, des gens qui s'occupent du site internet, etc. Mais entre autres, on a ici une célébrité des vidéos du palais. C'est Pierre qui est dans la salle Pi, quand il n'y a personne dans la salle Pi. Qui s'appelle d'ailleurs la salle Pi, hein. Pour le coup, c'est un mauvais exemple, puisque la vidéo n'a pas du tout été faite par les équipes du palais. Mauvais exemple. Alors oui, j'ai quand même oublié de parler dans les expositions que les gens viennent voir, il y a quand même l'électromagnétisme. Alors, c'est parce qu'il n'y a pas de physicien ici. Alors en plus, je ne sais pas depuis quand. Je sais qu'il y a une salle électromagnétique depuis 37, mais je ne sais pas depuis quand il y a les bobines. Je crois savoir qu'il y a la plaque à induction qui date d'un salon des arts ménagers, qui a été ramenée. C'était la première plaque à induction présentée. Mais bon, j'ai pas plus. C'est pour ça que je n'avais pas préparé. Mais bon. Faut les citer quand même parce que c'est une salle assez impressionnante. Il y a le manège. Et il y a le manège, tout à fait. Quand même. Donc le manège, c'est Donc bah, déjà les bobines, c'est donc deux grandes bobines de Helmholtz qui créent un champ magnétique assez puissant. En gros, on a une barre de métal au milieu, on n'arrive pas à la bouger parce qu'il y a un champ magnétique. Et le manège, bah, c'est comme son nom l'indique, un truc qui tourne. Et donc du coup, ça nous attire vers les extrémités du manège. Et puis on peut même voir la force de Coriolis. Dans les trucs, il y a des phénomènes de mécanique relativement bêtes qui peuvent se faire dans le manège, qui est donc en train de tourner à une certaine vitesse. Et par exemple, si c'est un groupe scolaire, il y a la moitié à l'intérieur, la moitié à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut, les gens qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur peuvent discuter de leur perception de ce qui se passe. Ouais, quoi. On ne voit pas la même chose. On ne voit pas du tout la même chose quand on est à l'extérieur et quand on est dedans. Quoi. On ne ressent pas du tout les choses. Très bonne façon de voir la notion de référentiel. Donc, tout à fait. Dans les autres trucs qui peuvent marquer aussi quand même, je parle. J'ai dit ça sur les géosciences, je me rattrape. Ils ont tout un tour d'escalier là, immense, dans lequel on peut voir l'histoire de la Terre depuis le début de la Terre jusqu'à l'apparition de l'homme en échelle de distance, quoi. Uh-huh. Le temps est vu sous forme de distance, donc on se rend bien compte que l'homme, c'est le dernier pas qu'on fait, voire le dernier demi-pas qu'on fait, voire, enfin voilà. L'apparition de la vie, déjà, c'est très court, et par contre, on a quand même tout le tour de la cage d'escalier qui est immense. Alors ça, c'est vrai que dans les salles, j'ai pas beaucoup parlé de ça, il y a aussi la salle d'astrophysique qui est assez amusante, ouais. Avec le système solaire à l'échelle. Je crois pour la distance des planètes, c'est peut-être échelles. Pas le Soleil. Mais et une échelle pour la distance et une échelle pour la taille. Oui, c'est ça. Qui est à peu près 1000 fois plus grande. Et donc c'est amusant parce que c'est une salle assez longue où on voit, mais au moins l'échelle voit des distances. Donc on se rend compte en se déplaçant de distance. Bon, comme l'heure avance, on va en venir au palais aujourd'hui. J'ai juste voulu qu'on dise un petit mot de la notion de médiation, parce qu'on a tout un débat qui a lieu en ce moment dans la chatroom. Donc, vous vous présentez comme des médiateurs scientifiques, c'est ça, c'est le terme que vous utilisez? Sachant que, effectivement, ça ne veut pas dire grand-chose sorti du lieu où on exerce cette profession, parce que... il y a des formations à la médiation scientifique qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on fait nous. Il y a des musées ailleurs ou des centres de sciences ailleurs dans lesquels on parle de médiateur scientifique, mais c'est vrai que ce n'est pas notre boulot non plus. Là, j'en ai parlé, c'est marrant parce que j'en ai parlé récemment, là, justement, avec. J'ai discuté récemment avec une Espagnole qui bosse dans un centre de sciences et avec un Italien, Suisse-Italien, tu l'as vu au salon peut-être aussi, qui bosse aussi beaucoup dans la médiation des sciences. Et alors, ils ne comprennent absolument pas, mais les Français qui bossent ailleurs qu'au Palais ne comprennent pas non plus. Le truc vraiment spécifique au palais, c'est que les médiateurs sont à la fois face au public et à la fois dans la conception d'exposition. Et ça, c'est un truc, l'impression que j'ai, je vais m'arrêter si je dis des bêtises, mais j'ai l'impression que c'est à peu près le seul endroit au monde où ça se passe comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, à la Cité des Sciences, par exemple, il y a des gens qui conçoivent les expositions. Et des gens qui animent. Et globalement, c'est presque vu comme une espèce de hiérarchie. C'est-à-dire que quand on monte en grade, on a le droit de plus voir le public. Quoi. Ah ouais. Alors que nous, c'est vrai que c'est pas comme ça. On continue à voir le public. Et c'est vrai que c'est un des avantages de notre boulot sous cette forme-là. C'est que pour écrire des panneaux, c'est pas mal de tester les explications à l'oral en direct, de voir la tête des gens quand on leur dit un truc, voir s'ils comprennent ou pas. De tester des manips, de tester des trucs comme ça, de voir si les gens s'en sortent ou pas. Ça crée une interactivité aussi. C'est-à-dire que moi, je me souviens toujours de Pierre, où des fois, c'est « qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» Je ne sais pas, je vais demander au public, je vais parler avec eux. Et ça crée, mine de rien, surtout en maths, sans doute, ouais, ça, c'est un truc, un moyen de... C'est un truc qu'on peut imaginer même avec des animateurs, appelons ça comme ça, qui feraient pas d'exposition s'ils connaissent bien leur sujet. S'il y a quelqu'un d'autre qui a travaillé une exposition, c'est plus compliqué parce qu'il y a. Non, mais c'est vrai que typiquement, ou même des associations, les petits débrouillards, les choses comme ça, il y a des gens qui conçoivent les animations et qui forment les animateurs. Nous, la différence, c'est qu'on conçoit les trucs qu'on va faire nous-mêmes. D'accord. Et sur le thème de médiation, à proprement parler, on a dans la chatroom Georges McKee qui s'interroge. Il parle du médiateur qui pourrait régler les comptes entre voisins, par exemple, les problèmes de voisinage. Enfin, comme si la médiation supposait qu'il y ait deux univers a priori incompatibles. Bah, nous, on règle un conflit, qui est le conflit entre le grand public et la science. Ah oui, c'est ça. À supposer qu'il y en ait un. C'est comme ça que vous le voyez carrément, il y a une dimension militante. Non, je trouve que c'est un aspect assez négatif du terme. Disons qu'au début, il y avait des démonstrateurs. Après, c'était des chargés d'expérience, chargés d'exposé. D'accord. Maintenant, ça s'appelle médiateur scientifique. Ouais, et une évolution au niveau du langage, disons, au niveau du vocabulaire qui a été utilisé. Mm-hmm. C'est vrai que, d'une certaine façon, un chargé d'exposé, c'est quand même essentiellement quelqu'un qui fait des exposés, et donc qui a un boulot très réduit par rapport à ce qu'on peut faire, nous, en médiation scientifique. Mais le terme ne me plaît pas du tout, parce que médiateur, en général, c'est quelqu'un qui règle un conflit, oui. Donc c'est quelque chose que j'aime pas. Un médiateur familial, un médiateur, médiateur de la République, un médiateur sur la chaîne de télé, machin, etc. Enfin, tout ça, c'est les gens qui s'occupent des conflits. Et ça veut dire que d'une certaine façon, on officialise le fait qu'il y a un conflit entre le public et la science, ce qui n'est pas très malin, dans le principe. Ce qui n'est pas très malin. Mais ce qui n'est pas faux. Il y a effectivement, d'une certaine façon, quand même un conflit, c'est-à-dire que la science n'est pas quelque chose qui fait partie de la culture commune, standard, du citoyen moyen, quoi. Il y a des choses où il est de bon ton même de dire qu'on n'y connaît rien, etc., quoi. Il y a des y compris sur les médias, sur les hommes politiques, etc., se vanter de ne rien connaître à ceci ou à cela, de n'avoir eu aucun diplôme de ci ou de ça, c'est quand même quelque chose qui est de bon ton. Et donc, bon, il y a effectivement, d'une certaine façon, un conflit entre, en particulier, la science et le grand public. Mais c'est-à-dire que, moi, le problème que ça me pose, c'est que je trouve que de donner ce nom-là, ça m'entérine aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'auraient pas l'idée d'être fâchés avec les sciences, mais on leur présente tellement ça comme un monde où il faut faire un effort, où vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer gentiment. Non, mais vous inquiétez pas, ça mord pas, que ils finissent par avoir peur. Si le conflit existe, ça justifie notre paye. Marie, tu voulais intervenir? Oui, je voulais intervenir parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disent mes collègues. Pour moi, le terme de médiateur, il se rapporte plus au terme de média, c'est-à-dire de moyen de diffuser, de faire passer une information. C'est une dérive sémantique. Mmh. Oui, ça veut dire que c'est sous plusieurs formes, sous quelque forme que ce soit, à faire passer. Voilà, c'est tout ça. Ouais. Plus de... C'est plus sympa. Ça, c'est gentil, mais il faut reconnaître qu'en général, ce qu'on appelle un médiateur, médiateur conjugal, médiateur machin, etc., c'est quand même quelqu'un qui règle un conflit. Ce serait même plus amusant qu'un médiateur conjugal utilise plein de médias pour faire son travail. Bon. Nickel. Mais c'est vrai que pour votre part. Pierre, vous choisiriez quel terme? Je sais pas trop, mais communicateur, ça m'a été imposé, donc vulgarisateur, j'aime pas trop, je préfère popularisation que vulgarisation. D'accord. Mais bon, popularisation à l'anglo-saxonne. Peut-être, je sais pas. Mais disons qu'a priori dans vulgarisation il y a vulgaire et dans popularisation il y a pop. je préfère pop à vulgaire. Mais ce qui est, ouais. C'est personnel. Hein. Mais c'est vrai que dans les noms quand même il y a des choses importantes. Hein, je veux dire. Souvent on parle d'animateur, par exemple, il y a des gens qui nous disent qu'on est animateur. C'est vrai qu'animateur, on a bien l'impression que c'est restrictif, ça rabaisse un peu. Il y a carrément facilitateur, quelqu'un qui est dans la salle, qui juste entretient le truc, accueille les gens, tout ça. Et c'est vrai que, et au Palais de la Découverte, enfin, je sais pas si au début il n'y avait pas un peu des gens comme ça, et puis des chercheurs, des gens vrais, grands, machins. Disons, ce qu'on voit beaucoup, c'est médiateurs, dans médiateurs scientifiques, et moi ce que je vois plus, c'est scientifique. Ouais. Ça, il y a des gens pour inventer des termes, justement. C'est pas les gens du Palais qui les inventent. Non. Et donc, à l'époque, moi j'étais moniteur et maintenant c'est doctorant contractuel, donc genre terme sympathique pour se présenter. Parce que contractuel, ça fait penser à beaucoup de choses aussi. Ah ouais, tu connais aussi. Mais c'est vrai que dans la médiation, enfin pour reprendre, c'est quand même assez juste. Donc, par exemple, il y a des formations à la médiation scientifique où la formation, c'est pas du tout pour faire ce qu'on fait nous, c'est pour organiser des événements, pour organiser des débats, des rencontres entre chercheurs et public, etc., pour parler des débats de société notamment que pose la science. Et ça, pour le coup, on sent vraiment plus un conflit. C'est genre, ça va être le nucléaire, l'OGM, on a les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, quasiment. J'exagère un peu, mais il y a un aspect un peu comme ça. On sent que, pour certains, il y a cet aspect-là très très clairement. Et qui est effectivement un peu en décalage par rapport à ce qu'on fait nous, quoi. Ou a priori, je vois pas pourquoi les gens seraient fâchés avec le contenu des maths, quoi. Enfin, à la limite, ils peuvent être fâchés avec ce qu'ils en ont vu à l'école, ou le fait de pas comprendre, mais... C'est-à-dire qu'ils nous vont pas dire qu'ils sont contre les maths. Ils nous arrivent de faire des expositions, ils nous arrivent de faire des trucs avec le public, etc. Il y a un certain nombre de choses dans la palette, et on se réduit pas à une de ces choses-là. Écrire des articles aussi. Les termes de démonstrateur ou de chargé d'exposé, ils étaient vraiment restrictifs par rapport à la... palette d'exposés, d'activités. D'autant qu'au niveau écriture graphique, il y a une revue au Palais, il n'y a pas beaucoup de monde qui doit être au courant forcément, mais donc il y a la revue du Palais de la Découverte, qui est au Palais. Qui s'appelle Découverte. S'appelle Découverte, c'est plus la revue Découverte. Et voilà, et il y en aura peut-être des exemplaires à gagner, voire offerts à la sortie Palais samedi. Ah, probablement. Très probablement, même, mais en fait c'est sûr, parce que je les ai chez moi. Mais... On va peut-être en venir, comme l'heure avance, donc au palais aujourd'hui, voire un peu hier et aujourd'hui, c'est-à-dire en parlant de choses un peu plus douloureuses, à savoir la fusion. Parce que je pense que c'est important d'en parler. Alors je vais essayer de faire un bref résumé des choses, et puis après vous allez de toute façon intervenir. J'ai pas le plus beau rôle. Donc il y a eu la réforme générale des politiques publiques. Et révision, où il a été décidé de fusionner la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte. Donc déjà, au niveau nombre de personnes, les deux lieux n'ont pas du tout la même taille. Hein. Si je ne me trompe pas, il y a 5 fois plus de personnes à la Cité des Sciences. Et c'est surtout au niveau du statut, donc ça on en a parlé, où ça fait un gros changement, parce que ça fait que le Palais de la Découverte devient un EPIC, donc un établissement public, industriel et commercial. Et le gros changement, c'est surtout que c'est plus une université, donc c'est plus possible d'avoir des fonctionnaires à l'intérieur, on peut beaucoup moins facilement avoir des doctorants, les anciennement chercheurs, tout ça, c'est plus possible, les relations avec les chercheurs, c'est plus compliqué, etc. C'est pas parfaitement exact ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'on a une loi spéciale pour nous, il y a un article spécial de la loi de mobilité sur la mobilité des fonctionnaires. L'article 42 de la loi en question dit que le personnel du Palais de la Découverte est affecté dans un EPIC qui fusionne la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte. A priori, dans un EPIC, il ne peut pas y avoir de fonctionnaires affectés. Il peut y avoir des fonctionnaires détachés, il peut y avoir des fonctionnaires en disponibilité, il peut y avoir des fonctionnaires qui restent fonctionnaires et qui travaillent dans un EPIC. Donc, ils nous ont fait une loi spéciale pour nous, enfin un article spécial de loi. Pour que effectivement il puisse y avoir des fonctionnaires dans cette EPIC. Pas trop malin d'ailleurs, parce que tant qu'à faire, ils auraient pu ouvrir une brèche, ils ne l'ont pas fait. Donc s'ils veulent recommencer la chose avec un autre EPIC, ils sont obligés de refaire un article de loi ou une loi, parce que c'est marqué explicitement les fonctionnaires du Palais de la Découverte sont affectés dans l'établissement. C'est pareil, si ça change de nom, ça va poser problème pour la loi. Non, l'établissement qui fusionne. Donc, ça va être déjà. Mais bon, au-delà de. C'est vrai qu'il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'à l'oreille, établissement public scientifique et culturel ou établissement public industriel et commercial, on n'a pas l'impression d'être exactement au même endroit. Mm-hmm. Et c'est vrai surtout qu'on n'avait pas du tout les mêmes modes de fonctionnement, le même type d'organigramme, le même type. Justement, tout ce qu'on a raconté sur la place du médiateur, etc. Sur le fait de fabriquer. Sur le fait de fabriquer sur place, sur le fait que le médiateur conçoit les expositions en même temps qu'il est face au public, etc. etc. Tout ça, c'est des choses qui sont en opposition totale à ce qui se passe à la Cité. Avec la Cité des Sciences, effectivement, on a très clairement la direction des expositions, la direction de la médiation, et c'est pas les mêmes personnes. Et globalement, je pense qu'on peut dire que quand on a été un bon moment à la médiation, on peut espérer une promotion en passant à l'exposition. Quoi. Enfin, c'est pas mal comme ça que ça se passe. Donc c'est vrai que c'est un choc des cultures énorme. Et comme ils étaient 1000 et nous 200, et qu'ils avaient le statut qu'a maintenant le nouvel établissement, etc., etc., tout se fait vraiment plus façon Cité des Sciences maintenant dans le nouvel établissement fusionné. Ils sont 1400 sous-traitants en permanence sur place. Et sachant que dans les 200 du palais, il y a tout le monde compté, il n'y a même pas que les médiateurs. Les médiateurs, on est 40 à 45, je ne sais pas exactement. Mais... Et quelle est la raison fondamentale à ce changement? La question compliquée. C'est une excellente question, je pense qu'on a posé souvent. Moi, j'ai jamais trouvé à qui ça profitait. Ça devrait être financier, mais en fait, pour le moment, on n'a pas vu de. On s'attend à ce que, par exemple, 1000 plus 200, ça passe 800, un truc comme ça, quoi. Il y a toujours un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite ou un salarié sur deux qui part à la retraite qui n'est pas remplacé. Mais disons que ça n'a pas fait une variation. Dans l'immédiat, ça n'a pas fait une variation. Peut-être qu'il y a moins de frais de gestion. Pas vraiment, non, parce qu'on peut dire que quand même. Le denier public est un peu gaspillé dans certaines situations quand même. Plus qu'avant. Et que quand on utilise des fonctionnaires ou quand on utilise des sociétés sous-traitantes, des fois les sociétés sous-traitantes, ça coûte beaucoup plus cher que les fonctionnaires. Mais il y a une espèce de credo dans le pouvoir actuel. Enfin bon, moins que ça change vraiment maintenant. Jusqu'à présent, le credo c'est il faut absolument baisser la masse salariale. On est un bon gestionnaire si on réussit à baisser la masse salariale. Et baisser la masse salariale, ça peut se faire effectivement en réduisant les frais de personnel et ça peut se faire en transférant les frais de personnel. C'est-à-dire que le jour où on arrête d'employer des gens et on fait appel à un marché avec une société sous-traitante qui, elle, emploie des gens, ça apparaît plus dans la ligne budgétaire. Donc on a l'impression qu'on a fait des, qu'on a fait des économies, qu'on a fait progresser les choses. En fait, globalement, ça coûte beaucoup plus cher. Que... C'est quand même des raisons économiques, à peu près, quoi. Qui... Bah, a priori, à la base, ça devait être ça, la raison. Dans la révision générale des politiques publiques, c'était quand même ça l'objectif. C'était ça l'objectif. Mmh. Et là, pour le moment, on n'a pas vu les économies se produire. Mais bon, on peut supposer aussi que dans un premier temps, on calme le personnel, etc. Ouais. On attend 5 ans ou quelque chose comme ça. Et puis, à partir de là, ça va commencer à cogner, quoi, disons. Mais bon... Enfin, dans les textes, ça se présente pas comme ça. Dans les textes à l'origine, il y avait clairement dit, enfin le truc qui se dit un peu partout dans la fonction publique, le but c'est de faire mieux avec moins. Ouais. Donc on va faire des synergies, on va faire des trucs comme ça. Le truc qu'ils n'avaient pas compris clairement, enfin je veux dire quand on a discuté avec des gens du ministère, c'était vraiment très clair. C'est la différence qu'il y avait entre les deux établissements profonde, quoi. C'est-à-dire que il y a le mode de fonctionnement, il y a aussi le propos, c'est-à-dire que nous on est vraiment axé sur les sciences fondamentales. Encore une fois, avec lesquels des gens ont peu de raison d'être fâchés, quoi. C'est-à-dire que on n'est pas sur des créneaux du style débat public, OGM, centrale nucléaire, un truc comme ça. Enfin, on peut en parler. On en parle. On peut en parler, bien sûr, mais ça va être pour expliquer comment ça fonctionne. Ça va être pour, enfin. Pour donner aux gens en fait les débats scientifiques qui leur permettent de se faire une opinion par rapport à des sujets dont ils entendent beaucoup parler, mais auxquels ils comprennent pas grand-chose. Parce qu'on leur explique pas vraiment les choses. Mais c'est pas le lieu du débat, quoi. Bah, ça aboutit forcément à des débats. Oui, probablement plus chez toi que chez nous. Disons que ça peut aboutir à des débats, c'est pas l'objectif numéro un. L'objectif numéro un, c'est d'expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a dessous, etc. Voilà. C'est le sens, c'est l'objectif. Je vais prendre un mauvais exemple. Si on regarde le téléphone portable, c'était des sciences, on va nous expliquer que le téléphone portable, c'est quelque chose qui a pris à telle vitesse, qui n'existait pas à tel moment, qui a pris à telle vitesse, qui s'est développé avec telle et telle possibilité, tel et tel développement technique. Bon, bientôt, il va pouvoir faire le café, mais on n'en est pas encore là, mais c'est pas loin. Et... au palais, on va plutôt expliquer ce que c'est que, enfin, comment ça se fait, par exemple, que dans une bagnole, on est obligé de mettre une antenne pour recevoir la radio et on peut téléphoner avec son portable. Antenne à l'extérieur. Voilà, on est obligé de mettre une antenne à l'extérieur parce que la voiture c'est une case de Faraday pour les antennes de radio, pour les ondes radio, et pour les ondes de téléphone, non, pas du tout, quoi. On a affaire à quelque chose d'autre, quoi. On va expliquer ce que c'est qu'une onde, on va expliquer qu'elles n'ont pas forcément la même nature. Mais le fait qu'on puisse faire le café avec le téléphone portable ou pas, on s'en fout un peu. C'est pas un problème, quoi. C'est un problème industriel, technique. C'est indiqué dans le nom, c'est que c'est la cité des sciences et de l'industrie. Mmh. Et c'est ça aussi qui est une des différences. Oui et non, parce qu'en fait, ça fait quand même assez longtemps que les gens de la cité des sciences et de l'industrie s'appellent cité des sciences et n'assistent pas. C'est toujours marqué, mais ils le disent jamais. D'accord. Donc il y a quand même une évolution très nette entre le début de la cité des sciences et de l'industrie et l'actuelle cité des sciences. Il y a quand même une évolution, mais il y a des médiateurs scientifiques à la cité des sciences. Il n'y a pas que des trucs automatiques avec des écrans, des ordi, etc. Disons qu'il y a à peu près le même nombre, voire un peu moins, alors que c'est 5 fois plus grand, quoi. Oui. Donc ça a moins d'importance. C'est-à-dire que si on rentre au palais de la découverte et qu'on ne voit pas d'exposé, on est très doué d'une part et on a tout raté d'autre part. C'est-à-dire que ça repose vraiment là-dessus. La Cité des Sciences, c'est quand même plus conçu pour faire une visite, éventuellement sans voir personne. Voire même avec... de toute façon, en plus on est là-dedans, hein, mais au c'est palais, c'est pour moi ce qui a permis au palais de garder justement un grand intérêt, c'est que ce centre de la médiation, avec toutes les rénovations qui n'ont jamais été faites, qui ont repris et tout, c'est grâce à cette médiation qui, elle, se mettait à jour, qui, elle... C'est Yann, c'est un de nos collègues qui l'avait dit très très bien dans un texte, où il décrit effectivement une machine hyper sophistiquée qui se met à jour, qui s'adapte au public qu'elle a en face, réagit en temps réel, tout ça, machin, et bah ouais, c'est une machine hyper sophistiquée, on est à la pointe du progrès, c'est un être humain, quoi, Voilà, c'est ce qu'on fait de mieux, quoi. T'as pas encore fait mieux. C'est ce qu'on commence par. Enfin, moi, ça m'arrive de le dire en début d'exposé, quoi. Je dis aux gamins qui sont effectivement pas forcément habitués à ce genre de rapport. Le but du jeu, c'est que vous me posiez des questions. Là, profitez du fait de ne pas avoir une vidéo, mais mais un vrai quelqu'un. C'est voilà, parce que justement, on est là pour éviter toute passivité. Quoi. T'as une question peut-être? Ouais, on a deux questions qui viennent de la chatroom, dans deux registres un peu différents. On a Simon qui nous dit l'industrie, c'est les sponsors. On n'y échappe pas complètement. C'est pas une question, oui. Et c'était. Ça vous fait juste sourire. Je sais pas, vous avez une. Non, les sponsors, c'est pas forcément l'industrie. Et à l'heure actuelle, compte tenu des financements publics, d'une façon ou d'une autre, on est quand même un peu obligé d'en passer par les sponsors, quoi qu'il arrive, même si ça nous plaît pas, même si éthiquement. Après, c'est on est un peu au-dessus de ça. Bah, quand même, malgré tout, il y a un moment où il faut tenir compte aussi un peu des réalités et constater que si on rajoute un sponsor, on aura un peu plus de facilité pour faire les choses. Non, puis effectivement, on peut avoir des sponsors intéressants. Et puis, c'est pas forcément l'industrie. D'accord. Je pense qu'il posait la question en réaction tout à l'heure entier de la Cité des Sciences, Cité des Sciences et de l'industrie. Mais donc, rien à voir. Il n'y a pas de. La Cité des Sciences n'est pas financée par l'industrie. Ah non, pas spécialement. Okay. Non. Je pense qu'il y a quand même une très grosse partie, que ce soit au Palais ou à la Cité, qui est du financement d'argent public. Et au Palais, tu as aussi des expositions, typiquement en ce moment. La Cité des Sciences est maintenant Univers Sciences, qui fusionne les deux. C'est quelque chose qui est un EPIC, établissement public industriel et commercial, mais qui a au moins 80% de son budget qui est donné par l'État. Oui. Si ça devait être équilibré avec les ressources propres, c'est foutu. Hein. ça fait longtemps que ça n'existera plus. Hein. Ok, et puis la deuxième question, là c'est vraiment une question, je sens qu'on va ouvrir une parenthèse avant de reprendre le fil de Nico. C'est Georges McKee, de nouveau, qui nous demande comment vous vous positionnez par rapport à la science citoyenne, entre guillemets. est-ce que ça vous inspire? Je ne sais pas, la science citoyenne, ça fait partie typiquement des trucs que j'ai du mal à comprendre. Enfin, j'ai l'impression qu'on ne peut pas demander ce qu'il en parle. Alors Georges, tu as entendu la question, on y reviendra. Parce que je pense que c'est effectivement plutôt les histoires de débats, de choses comme ça, et c'est vrai que... moi, j'ai l'impression qu'on est à côté de ça, enfin, qu'on est pas dans ce monde-là. C'est un truc qui est très, très en vogue. Enfin, il y a beaucoup d'endroits où ça se fait, où on dit qu'il faut le faire, etc. Et je dis pas que je suis contre, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'y est pas, quoi. Enfin, c'est un truc aussi, c'est con, hein. Mais c'est une image. Pardon. C'est le naturel qui a pris le dessus. Je me suis bien tenu jusqu'à là. C'est vrai qu'il y a un côté décalage. Pour tenter d'expliquer aux gens du ministère de la Culture, notamment pourquoi ça nous paraissait absurde de mélanger deux établissements aussi différents que la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte, on disait régulièrement, ça ne vous viendrait pas à l'idée de mélanger le Louvre et Beaubourg, quoi. C'est deux musées de sciences, pourtant. Et ils rigolaient, ils ne comprenaient pas. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que voilà, il y a une différence profonde, quoi. Voilà. Oui, on se préoccupe de sciences citoyennes dans un sens où on fait des citoyens, peut-être... plus éclairés, qui sont plus à même de réfléchir sur des sujets parce qu'ils ont plus d'outils intellectuels, parce qu'ils ont plus tout ça. Mais voilà, on donne dans ce sens-là, c'est pour avoir un avis sur la science, éventuellement. Ah non, il y a quand même des domaines où chaque fois, on n'est pas trop cité. Les ateliers du génome, quand on parle d'évolution, on est là avec les vagues de créationnisme, c'est quand même des questions que les citoyens se posent. Quoi. Ils ont tout à fait, mais le créationnisme, c'est pas de la science. Non, alors que l'évolution, c'est de la science. Et donc, si on donne des clés à propos de l'évolution aux citoyens, ça correspond à science et citoyens d'une certaine façon. Mm-hmm. Mais c'est simplement, on donne des clés, on ne rentre pas dans le débat ce que cette science-là est. Absolument pas, on ne rentre pas. Devoir neutralité, de toute façon. Quand même. Moi j'en étais à peu près à la fin. On va juste donc parler de deux choses. D'abord, comme on a un scoop, on va en parler quand même sur l'actualité du palais d'aujourd'hui. Qui me raconte ça là? C'est aujourd'hui, c'est ça? C'est aujourd'hui, donc c'est l'actualité chaude. C'est un scoop. On est avant minuit, heureusement. Bon, alors qui le dit? Bon, Pierre, tu vas bien le raconter. Moi, je racontais que depuis quelques années... Ça fait 11 ans. Et on n'avait pas le droit de le dire, c'est ça, non? On n'avait pas le droit de le dire, bien sûr, mais il faut reconnaître que le Palais de la Découverte est dans un bâtiment qui a été créé en 1900. Mm-hmm. Et depuis 1900, les règlements de sécurité ont évolué, on va dire. Et on peut dire que ça a beaucoup évolué, ça n'arrête pas d'évoluer. C'est comme dans une voiture, hein. À un moment donné, il a fallu mettre une ceinture de sécurité, après il a fallu avoir un petit gilet jaune quand on veut sortir de sa bagnole. Et après, ça suffit pas, il en faut plusieurs, et puis etc. Enfin, ça n'arrête pas. Alcotest. Donc voilà, on va mettre un alcotest dans la voiture, etc. Enfin, donc les règlements de sécurité évoluent sans arrêt, et il y a des choses que le bâtiment peut suivre facilement, et des choses que le bâtiment ne peut pas suivre facilement. Donc si on s'en occupe pas, si on ne suit pas vraiment, on a un peu du mal. Donc depuis 2001, on était avec la commission de sécurité de la ville de Paris, qui émettait un avis défavorable à l'ouverture au public, parce qu'on ne respectait pas toutes les règles de sécurité qui avaient été édictées entre 1900 et maintenant. Donc aujourd'hui, 6 juin... Et concrètement, quand même, ça voulait dire qu'on n'avait en fait pas vraiment le droit d'ouvrir et qu'au moindre problème, c'était le directeur qui supportait ça pénalement. Ah, quoi. Ouais. Ouais. Enfin, la présidence. Ça va, c'est pas comme si vous étiez. Là, c'est elle qui dort depuis aujourd'hui parce que. Et donc, aujourd'hui, la commission de sécurité de la ville de Paris est passée au Palais de la Découverte, a fait sa petite visite et a levé son avis défavorable. Ah, on a le droit d'être ouvert. Ça y est, on a le droit d'être ouvert. Donc, on vous annonce l'ouverture du Palais de la Découverte. C'est un scoop. D'ailleurs, je tiens juste à dire à propos des élections, des électrocutions à 300 000 volts. Je ne sais pas si je suis le seul, mais moi, avant d'arriver au Palais de la Découverte, j'avais entendu parler, une rumeur, tout ça, qui bougeait, qu'il y avait eu un accident mortel une fois, tout ça, machin. Ça fait partie. Non, mais c'est de la blague. Enfin, ça, c'est évidemment faux. Mais ça fait partie des rumeurs comme ça, comme le fait que les décibels de pi soient fausses. Là, il y a un truc qui justifie, c'est que pendant un moment, effectivement, elles ont été fausses, mais personne n'était au courant. Mais non, il n'y a pas eu d'accident, jamais. Alors par contre, il y a peu de raisons qu'il y en ait. Dans les anecdotes, moi, c'est le Palais de la Découverte, c'est le seul endroit de ma vie où quelqu'un est venu me voir en souriant en disant « Ah, je me suis fait électrocuter ici. » Voilà. Et bien donc, on a parlé du présent. C'est vraiment une électrocution. Non, en plus, non. C'est complètement fou. Il y aura un physicien. C'est de l'électrostatique. Donc c'est le genre d'endroit où on apprend la différence entre l'ampère et le volt. Tout à fait. De manière assez efficace. Donc depuis le début on dit que c'est une électrocution, mais c'est vrai que c'est faux. Et peut-être quelques mots là maintenant sur le palais de demain entre guillemets, parce que c'est pas exactement le palais de la découverte, sur ce qui est en train de se faire de l'autre côté de la Méditerranée. Ça fait quand même assez longtemps que le palais de la découverte était un modèle par exemple qui a été utilisé pour créer l'exploratorium à San Francisco, des choses comme ça quoi. Donc il y a des péruviens aussi. Et il y a quand même beaucoup de gens qui viennent voir ce qu'on fait et qui trouvent ça intéressant quoi. Et essayent de en faire ou ont envie de s'en inspirer. Donc là, on peut dire que le palais de la découverte indépendant tel qu'on a connu pendant 72 ans, c'est plus exactement ça. On est un peu dans des situations très, très différentes, très compliquées à l'heure actuelle par rapport à ce qui se faisait jusqu'au moment de la fusion. Et par contre, il y a des gens dans différents pays qui trouvent que c'est intéressant ce qu'on fait, parce qu'on leur montre ce qu'on fait et qu'ils se rendent compte que oui, c'est intéressant. Et donc, on va dire que la France est un pays, je vais être méchant, un pays qui est en train d'essayer de tout casser, qui est en train d'essayer de tout démolir, tout ce qui a été installé par les générations précédentes, on est en train d'essayer de dire que ça coûte trop cher, que c'est pas bien, qu'il faut tout casser. Il y a des pays, par exemple de l'autre côté de la Méditerranée, l'Algérie, qui fête ses 50 ans d'indépendance, qui se dit qu'il y a tout à faire, tout à créer, tout à construire, tout à bâtir dans ce genre de pays. Et donc, par exemple, il y a une décision qui a été prise côté algérien de créer un établissement du même type que le Palais de la Découverte, qui, pour le moment, en tout cas, s'appelle le Palais des Sciences. Qui devrait être créé à Alger dans le cadre d'un réseau sur l'ensemble du territoire national, avec comme objectif d'essayer d'aller toucher tous les Algériens, et pas seulement ceux qui auraient le bon goût de pouvoir se déplacer facilement à Alger. Et donc en utilisant, en voyant ce qu'on est encore capable de faire au Palais de la Découverte, aussi bien à l'organisation scientifique que dans les ateliers, que dans l'organisation du travail, et réussir à faire quelque chose. Du même genre à la méthode algérienne malgré tout, hein, mais donc qui s'inspire de cette idée de Van Perrin, qui est quand même une idée assez neuve, même si ça ne plaît pas aux politiques, et si ça coûte beaucoup d'argent aux politiques, ça continue à être assez neuf. ça continue d'être quelque chose d'assez original, qui n'a pas vraiment été fait partout. Le Science Center, il y en a un peu partout, maintenant, mais c'était pas le cas à l'époque de la création du Palais de la Découverte. Mais des Science Centers qui seraient comme le Palais de la Découverte, avec des gens à l'intérieur, avec des trucs qui ont été faits sur place, qui ont été cogités sur place, qui ont été expérimentés, etc. Tous ces trucs-là, c'est quelque chose qui se rencontre pas souvent, ça. Et donc, c'est ce qui tente bien les Algériens à l'heure actuelle. Donc, disons qu'on est peut-être en train de passer le relais au moment où la France est en train d'essayer de couper le Palais de la Découverte, que l'Algérie va faire renaître un palais de l'autre côté qui sera algérien, mais qui sera basé sur les mêmes principes fondateurs. Sachant que, alors ça, c'est un truc que j'ai entendu, alors je ne sais pas à quel point c'est vrai et j'ai oublié de le dire, mais de toute façon, vu que j'ai pas de source, c'est peut-être pas malin, mais c'est vrai que c'est un lieu, par exemple, où. C'est, je crois que c'est le seul endroit au monde où on peut voir un champ magnétique aussi fort, accessible au grand public. Je crois que, enfin, oui, les cages de Faraday aussi, bah, par exemple. Faut pas le dire trop fort parce qu'après les commissions de sécurité, tout ça, après, il faut mettre un règlement de sécurité là-dessus. Et après, il y a aussi dans les choses un peu marquantes, amusantes, hein, c'est que quand on va voir la page Wikipédia de la cage de Faraday en anglais, c'est une photo du Palais de la Découverte qui est illustrée. Donc c'est beau. C'est qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'autres lieux, au moins aux États-Unis, sur le Wikipédia américain, où on peut voir expo au grand public. Comme ça, je pense à pas mal d'endroits, mais là, il y a des choses. Au grand public, tu crois ? Bon, je crois que ça existe. Enfin bon, en tout cas, c'est ce côté où, voilà, où en effet, il y a ces phénomènes, et en plus, il y a des fabrications, donc c'est mis à jour quand c'est possible, régulièrement. Ok, ouais, on a encore deux petites interventions de George McKee, qui est décidément très en forme ce soir. Provoque. Bon, il y en a une, c'est de la provoque, mais je crois qu'on va se la garder pour après l'émission. Peut-être qu'on diffusera encore le live à ce moment-là, puis ceux qui ne sont pas là pour le live, bah, tant pis. Mais il nous dit aussi qu'il adore l'idée du Palais de la Découverte, et 30 ans après sa dernière visite, nos invités, donc vous, ne lui ont donné qu'une envie, c'est celle d'aller le redécouvrir. Ah ben, c'est un belle conclusion. Ne passons pas à la provoque. Ouais, c'est ça, voilà. On se la garde pour plus tard. On passe à la fin de l'émission. Juste pour finir, il y a pas mal de gens de grands noms. Alors ça, je voulais en retrouver, mais le site n'existe plus. Le site souvent le Palais de la Découverte. Non, mais je pense qu'on peut donner des noms comme ça. Si tu t'en souviens, parce que moi je m'en souvenais pas, mais. Ils ont dit que ça avait compté dans leur vocation, disons. Mm-hmm. Après, c'est toujours difficile de savoir à quel point ça compte. Et t'as un nom, on peut dire Pierre-Gilles de Gênes. Oui, on peut dire Pierre-Gilles de Gênes, par exemple. C'est le moins connu, évidemment, parce que il est japonais et il vit en Angleterre, mais Tadashi Tokieda, là, qu'on a vu récemment, nous a quand même dit que c'était quelque chose qui avait compté pour lui et que c'était ce qu'il avait envie de faire. En gros, lui c'est un chercheur, mais qui est très, pour lequel la vulgarisation est très importante. Et bon, à quel point c'est vrai, à quel point c'est la seule source, je sais pas, mais en tout cas, il a dit que ça a été compté pour lui. Quoi. Et une question, tiens, j'y pense, dans ces notions d'accessibilité et de médiation, c'est. Parce que je sais qu'il y a quelques lettres, même si tu m'as dit qu'il n'y en avait pas tant que ça, que les gens envoient pour des questions ou pour des démonstrations. En maths, c'est des démonstrations ou des choses, s'il peut y en avoir, j'imagine, en bio aussi, dans d'autres choses. Est-ce que vous savez s'il y en a autant, par exemple, à la cité, où c'est l'aspect médiateur qui donne cette envie de se dire on peut leur écrire Disons qu'on a l'air quand même assez accessible. Oui, c'est pour ça que je demande, en fait. Et par exemple, quelqu'un qui a démontré la quadrature du cercle, s'il essaye d'envoyer son papier à l'Académie des sciences, c'est refusé ça depuis fait un moment. Une bonne centaine d'années que l'Académie des sciences jette ça au panier sans l'ouvrir. Donc, il faut trouver un autre lieu. L'université, c'est pas forcément facile de trouver quelqu'un qui veut bien lire un papier sur la quadrature du cercle. Donc, de temps en temps, on reçoit des choses de ce genre-là, où le gars nous explique qu'il a démontré la quadrature du cercle, puisque, sachant que pi est égal à 3,14, alors ceci, cela, bon, c'est dommage, il est dans la salle pi en train de vivre sur son truc, et dans la salle pi, on voit que pi n'est pas égal exactement à 3,14, mais ça n'empêche pas qu'effectivement, on a des courriers comme ça, parce qu'on est plus accessible. Alors, il y a des courriers qui sont quand même un peu moins tordus que la démonstration de la quadrature du cercle. Quand même, si le public de cette émission doit retenir une chose, la quadrature du cercle, il y a à peu près la moitié de la population qui pense que c'est quelque chose de difficile, et l'autre moitié qui pense que c'est quelque chose d'impossible. Donc je rassure tout le monde, c'est impossible. Bah, l'expression dit que c'est difficile. Non, remarque, a dit que c'est impossible. Quadrature du cercle, c'est pas clair. Ça dépend qui pense que c'est possible. Il y a des gens qui pensent que c'est impossible. Donc, mathématiquement, ceux qui pensent que c'est impossible, c'est ceux qui ont raison. C'est parce que c'est impossible mathématiquement, mais physiquement, on a l'impression que c'est possible. C'est ça qu'on arrive à faire des choses qui se rapprochent. Okay, heureusement que tu n'es plus moniteur. C'est clair. Je pense que tu aurais été viré. J'ai dit mathématiquement, c'est impossible. Bon, on va conclure sur cette, sur cette réflexion. Alors, Oui, on a encore des bravos qui viennent de la chatroom. Vous avez des fans parmi nos auditeurs et parmi nos animateurs qui ne sont pas tous là ce soir. Entre autres, un animateur qui justement se bat contre les créationnistes régulièrement, donc il a dû aimer. Ok, bah, merci beaucoup. T'avais encore quelques remerciements. Alors j'ai quelques remerciements quand même. Ouais. Merci à vous, parce que bon, si on finit sur ce petit nuage, tout ça, bon, c'est ça. Plaisir. Ouais, j'ai plein de remerciements parce qu'il y a plein de gens qui m'ont aidé soit à faire à préparer cette émission et aussi à préparer la sortie de samedi. Donc déjà il y a Muriela de la c'est une documentaliste on peut dire du Palais donc qui m'a retrouvé plein de je sais pas si le terme était bon qui m'a retrouvé plein de vieux documents du Palais qui m'a retrouvé plein de vieux documents du Palais pour compléter un peu ce petit bouquin donc bah tiens le petit bouquin on pourrait peut-être dire ce que c'est alors sachant qu'il n'est plus en vente donc faut le trouver d'occasion. C'est Le Palais de la Découverte de Jean-Pierre Maury. De toute façon il n'y a qu'un bouquin sur Le Palais de la Découverte en vente donc moi j'ai trouvé d'occasion donc ça se trouve et il est très très bien, il est tout petit mais il y a plein de choses dedans et il y a plein de photos. Donc, voilà. Et voilà. Et donc, oui, donc merci à Muriela qui m'a trouvé plein de choses, plein de documents sur le palais, sur son histoire. C'était très intéressant et ça m'a permis de raconter des choses ici. Guillaume aussi, donc, qui est un autre larron du département de maths qui était très sympa et qui a, hélas, pas pu venir ce soir. Notre chef. Le patron. Donc on est obligé de remercier le patron parce qu'il a laissé venir et de. Ouais, en même temps, en dehors du temps de travail. En dehors des heures de travail. Alors après, ce week-end, j'étais au Palais pour préparer un peu la sortie de ce week-end précédent pour le week-end prochain. Et il y a Gaël et Delphine du département de bio qui m'ont montré plein de choses, entre autres la loterie de l'hérédité que j'avais jamais vue en fonctionnement. Et donc, merci à elle de m'avoir montré plein de choses. Il y a Stéphanie du département de physique qui, elle, n'a pas encore aidé, mais qui normalement va nous montrer plein de trucs samedi en physique. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une Stéphanie en physique ? En physique. En bio. Si, il y a une Stéphanie en physique qui, en plus, était là même avant de faire sa thèse. Et bref, et en plus, ce qui est marrant, donc c'est là où je disais que c'est un nid à gens qui font de la diffusion scientifique, c'est qu'elle, elle participe à aller dans l'association Doc en Stock, qui fait la BD Les Bulles du Labo, donc je vous invite à aller lire ça sur Strip Science. Ah bah oui. Et qui organise en plus, qui co-organise la soirée de la semaine prochaine. Le 14. Peut-être que tu peux en parler, je crois que tu avais deux mots dessus. Non, j'en avais déjà parlé, et puis j'ai voilà, pas voilà, la soirée du 14, yeux, j'ai des bêtises. Donc c'est la semaine prochaine jeudi, il y a une soirée spéciale à humour et science, si je dis pas de bêtises. La science, une histoire d'humour. Voilà, et puis merci David, bien sûr, qui est muet ce soir, mais qui nous a permis d'avoir tout le matos, de faire l'enregistrement, qui surveille l'enregistrement, qui est la porte technique de... Si jamais le son est mauvais, donc c'est de ma voilà. Et s'il est bon, c'est son mérite. Hein. Et donc écoutez ces podcasts, entre autres le 12 minutes 2 historique, parce qu'il dure 12 minutes. Donc... J'ai fait l'erreur de remettre l'écouteur. Je disais que d'écouter ton 12 minutes 2 historique qui dure 12 minutes. Ah oui, c'est bien. Voilà, et ben, on va passer au teaser. Ouais, encore juste deux petites choses. Juste signaler la BD de Nico, La BD. Qui est disponible sur la homepage du site, donc qui illustre à peu près la bioéthique. Voilà, le sujet de Franck de la semaine dernière sur la bioéthique. Bon, je crois qu'on peut la qualifier de BD de malade. Moi, je trouve ça absolument génial, c'est super. Et ça... Précipitez-vous sur la home. Sur le sujet. Un petit clin d'œil, joyeux anniversaire à George McKee aussi, qui était très en forme dans la chatroom ce soir, qui a passé son anniversaire avec nous, par chatroom interposé, c'est très sympa. Et puis, c'est joyeux anniversaire. Ouais, joyeux anniversaire. C'est lui qui posait les questions et tout ça. Les questions, des fois, un peu. Mais qui a fait des compliments, tout ça. Voilà. Voilà. On attend la provoque. La provoque pour les afters. On fait teaser, on parle de l'event d'abord, on rappelle. Oui, bah, si on suit le film, là, comme ça, on va pas se perdre. C'est en principe le moment du teaser, du one minute pitch pour la semaine prochaine. J'ai pas eu le temps de me préparer, je peux juste vous dire qu'on va parler des sciences de la créativité, ou plutôt des neurosciences de la créativité, ce qui se passe dans le cerveau au moment où on a une bonne idée. Et puis, pour continuer avec le fil que j'ai sous les yeux, donc bah oui, rappel quand même. Donc il y a une sortie au Palais de la Découverte samedi. Le rendez-vous du coup. Le rendez-vous, c'est où déjà le... C'est dans... Non mais le lieu, tu te souviens du nom? Oui, c'est l'allée Marcel Proust. Voilà, c'est dans le parc qui est en face du palais, c'est facile. En fait, quand vous sortez à Champs-Élysées Clémenceau, qui est la sortie la plus proche du palais... Ou Franklin Roosevelt. Non, là, il faut sortir à Champs-Élysées Clémenceau pour la suite de l'explication. Ah, pardon. Et c'est facile, il y a une grande statue du général de Gaulle, et c'est le parc qui est juste vers où marche le général de Gaulle. Mais attention, pas vers où il regarde, vers où il marche. D'accord. Il ne regarde pas devant lui. Alors, bref, c'est de l'autre côté de la rue, et de toute façon, on va mettre l'adresse sur le site web et on va envoyer un mail aux inscrits. Oui, oui. Sachant qu'il reste bien sûr des places. Bon, on va envoyer le mail ce soir ou demain matin. Il faut faire attention parce que maintenant on a une jauge. Il ne faut pas dépasser la jauge. Il ne faut pas venir trop nombreux quand même. Donc attention. Moins de 2000. Ah, et petit clin d'œil, on a une auditrice qui ne pourra venir que si vous l'aidez à son déménagement. Donc contactez Arata sur Twitter, ARADTA. Sinon, elle ne pourra pas venir à la sortie. voilà. Ok, tu avais un ou deux petits plugs à faire encore? Ouais, très vite. Il y a un truc que j'ai découvert à la Salon de Culture et des Jeux Mathématiques. Peut-être que tu veux en parler, Pierre. Presque mieux placé que moi pour en parler. C'est un bouquin qui s'appelle Rationnel mon cul. Mon cul, Q en une seule lettre, la lettre Q, comme l'ensemble des rationnels. Et alors, je ne suis pas convaincu après l'avoir parcouru que c'est lisible partout, en tout cas pas tous les trucs, il y a beaucoup de choses qui sont très mateuses, mais c'est assez amusant. Si vous connaissez Exercice de style qui raconte la même histoire dans plein de styles différents, je crois qu'il y en a 100, là il y a 99, là il y a 65 styles littéraires différents pour faire des démonstrations de nombres irrationnels, en général racine de 2, mais pas que. Et donc voilà, c'est assez amusant à parcourir. La table des matières est intéressante. Et même la table des matières est intéressante. Enfin, c'est très très amusant, quoi. Voilà. Si vous avez envie, ça s'appelle Rationnel mon cul. Et je pense que ça vaut le coup au moins d'aller le consulter si vous n'êtes pas matheux, parce qu'il y en a quand même une partie qui est un peu dure à lire quand on n'a pas l'habitude. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout, parce que la soirée, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé, oui, sauf que là, j'ai les informations sous les yeux. Bien. Donc, la soirée, ce sera le jeudi 14 juin à 18h30, donc jeudi prochain. Ça se télescope un peu avec le live de Podcast Science, mais c'est pas très grave. Accessoirement. Voilà, on est quand même un podcast au départ. Le live, c'est le nice to have. C'est très sympa pour nous de pouvoir interagir avec les auditeurs par chatroom interposé, mais vous pouvez toujours rattraper plus tard, alors que cette soirée-là, vous ne pouvez pas. Donc on vous recommande vivement d'y aller. Donc c'est la soirée science, BD et humour à l'espace Pierre-Gilles de Gênes. C'est donc une soirée exceptionnelle autour des thèmes de la science, de la BD et de l'humour. Les illustrateurs du collectif Strip Science et du projet des Bulles du Labo vont tenter de vous convaincre que science et humour font bon ménage. Alors allez-y. Et puis je crois qu'à ce stade, on n'a absolument plus rien à dire. Voilà. Donc on va en rester là. On peut clôturer l'émission. On remercie encore nos chers invités. Absolument. Merci infiniment à tous les trois. C'était formidable de vous avoir. Et puis à la semaine prochaine pour de la créativité alors. La semaine prochaine pour de la créativité. Et puis entre-temps, samedi pour notre IRL au palais. Accessoirement. Donc on a dit que le rendez-vous était à 11h finalement. Ouais, à 11h. Ouais. Okay. Avec un brunch et des casse-têtes mathématiques. Voilà. Parfait. Dont le fameux tétraèdre. Ouais. Donc, excellent. Le casse-tête mathématique, c'est nous qui le faisons. Si vous voulez, si vous êtes là. Et le brunch. Vous pouvez manger avec nous aussi. Ah, vous pouvez, si vous venez, on offre le brunch. Je ne sais pas si vous étiez disponible alors. Donc on vous attend aussi évidemment. Mais, samedi, bien sûr. L'invitation est lancée. Donc vers où marche le général de Gaulle? Donc à 11h, on se reparle. Ok, alors on en reste là pour ce soir. Merci beaucoup encore et à la semaine prochaine. Merci. Ciao, ciao. Ciao.